Cet épisode de Rétro Nouveau est une production Young Media et une présentation de RZO. Cet épisode est une présentation de la microbrasserie Riverbend. Riverbend, brasseur d'histoire. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro Nouveau. Hey! Comment chier une intro? Le sous-verre colle en dessous de ma canette de délicieuse Riverbend pour retomber sur la table. Toutes les fois, et Jean-François qui parle la musique, trop de bonheur. Ouais, j'ai oublié de changer la track de la semaine passée. Fait que c'était ça subtil, mais c'était pas subtil. Bon. C'était spécial Halloween! Exact, c'est l'Halloween. C'est pas grave, c'est un peu horrifique là, la façon qu'on commence. C'est tout croche. Fait que salut tout le monde et bienvenue à ce 116e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Toujours. Yes, je suis avec... JF Cromp. Fred Jimus. Papa Cassette. Et je suis Bruno Georget. Puis ce soir, on va vous parler de plusieurs choses. Moi, je vais faire des critiques de Middle-Earth, Shadow of War et Hub. Toi, je vais parler de Marshmallow Melee en VR et de South Park, The Fracture Butthole. Nice. Moi, je vais parler de Hunting, starring Poltergeist. Hey, j'ai hâte de voir ça, je suis très curieux. Moi, ça va être Lords of Thunder. Ah oui, Seigneur puis, des éclairs. J'ai le plus métal au monde. Oui, mais hein, puis du beau Castlevania dans leur gris tout à l'heure. Nice. Oh, puis en plus de ça, on va vous parler de nos meilleurs jeux d'horreur. Fait que va être une belle soirée. Mais un petit quiz aussi. Ben oui, un petit quiz aujourd'hui. Un petit quiz sonore. Fait que ça va être sonore. Ça va être multimédia, mon gars. Hey, t'as travaillé fort, j'ai hâte. J'ai hâte. Il y a tellement de Factory ont passé plein d'heures là-dessus. Ouais, c'est ça, exact. On a pris toute notre 500 000 de Patreon, puis ils ont travaillé sur notre projet. Les 3 000 de la pièce. Aïe, aïe. T'en fais ma soirée, c'est vrai. Yes. J'ai fait un somme après-midi. Ah, c'est bon, ça. C'est vrai. C'est là la différence. Il le fallait, man. Tu sais ça vieillir. Ouais. Ah, Donc, pas ça. La nuit parce que t'es stressé, man, puis ta tête, elle roule 100 000 à l'heure, puis là, t'es tout écolissé dans le jour, tu sais. Mais toi, tu fais un somme ou un power nap? Ben, c'est quoi la différence? Un power nap, c'est 15 minutes. Un somme, c'est comme une heure. Ben, je peux pas dire que je dors profondément pendant une heure, là, mais ouais, j'étais dans mon lit pendant 45 minutes. Après. Okay. Mais power napper au travers de cette zone-là. Là. Tout est flou. C'est jamais égal. C'est ça. C'est pas quand je me réveille. Quand ça fait trop longtemps que je dors, on dirait que je me réveille. Mon gars, j'ai mal au ventre. Je suis ça, pas ça dépend si tu te lèves en plein milieu d'une phase profonde de sommeil. Ouais. C'est ça. Tu te lèves à la fin de la phase. Toi, tu te réveilles en plein milieu, là, t'es comme. T'as comme un coup de bord, là, t'es magané. C'est sacrément, les gars. Ouais. Bienvenue au show, ça, même, de gériatrie. Hein? Les résidences. Les résidences. On va tous mourir. fait que c'est ça. Moi, avant de commencer, je voulais juste vous souligner l'arrivée de Rétro Nouveau solo. En fait, j'ai fait un podcast seul la semaine passée, en fait. C'est arrivé, ça a été, j'ai fait le premier épisode, puis j'ai reçu vraiment des super bonnes des bons commentaires. Merci à tout le monde qui m'ont écrit. Puis c'est ça, ça va continuer. Je vais en faire d'autres. En fait, à toutes les semaines qu'il n'y aura pas de Rétro Nouveau, il va y avoir un Rétro Nouveau solo. Fait que ça va être Rétro Nouveau solo, back and forth comme ça. Puis en plus, il y a Dominique qui continue à faire le Papa Cassette podcast. Il suffit juste que je ne sois pas hangover, là, puis il y a un podcast. Ça va peut-être être cette semaine d'ailleurs. Dépendamment si j'ai un meeting au bar mercredi, jeudi ou vendredi. Ah, les meetings au bar. Aïe, aïe. Il est faux, man. Il est faux. Ah oui. Puis GF continue à faire pas mal de streaming et de VR. Yes. Ouais, je suis revenu dans le VR. J'étais bien content. C'est un petit bout. Bon. Retomber dans le VR. Dans le VR. Ouais. Tomber dans le VR. L'horreur du VR. Du VR. L'horreur du VR. On en reparlera tantôt. Yes. Fait qu'on va commencer ça tout de suite avec la critique à Dom. Hey, oui, man. Je suis tellement pas prêt en plus. Direct, là. Parce que la semaine passée, je me suis dit. Ben, tu sais, j'ai tellement de jeux, je sais jamais à quoi jouer. Puis là, je regardais mon beau Lords of Thunder, auquel j'avais donné sa chance un petit peu. Puis Chris, j'avais rushé, tu sais. Ouais. J'avais pas jamais fini plus que genre 3 niveaux. Puis je pense qu'il y en a à peu près 7, quelque chose de même. Donc, très difficile. Là, je me dis, cette année, j'essaye... Ben, en fait, j'essaye toujours de comme clencher des affaires qui m'ont fait chier dans la vie. Ça, c'en était une. Attendez. On va le perdre, on va le perdre. Je suis là. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un jeu de Turbo Duo, en fait. Ça joue sur un Turbo Graphics 16. Ouais, c'est ça. Ou Turbo Duo, là, qui est l'appareil qui merge la new card deux, et le CD. Okay. Moi, j'ai un Turbo Duo japonais okay. Qui a été modé, dans le fond, pour être capable de lire aussi le US. Okay. Donc, ma machine, elle lit tout. Le problème avec ces Turbo Duo-là, c'est que c'est comme des arcades un peu. Faut les recaper des fois. Okay. Ouais, parce que tu perds le son et tout ça. Donc, faut que t'es crinque. Ouais, faut que tu changes les affaires dedans parce que ça finit par s'user quand même rapidement. Version japonaise, c'est pas si cher la console, 100 kek. Mais US, hein, je pense que c'est genre 400$. 600, ça. 600$, c'est pas vrai? Ah ouais. Je pensais que ça avait plus de valeur. C'est tellement fragile que, tu sais, il faut toujours que tu la reprennes. T'as pas le choix. Puis, absolument. Okay. Puis le pire, je pense qu'au Funzo Centre-Ville, il y en a une de branchée en permanence en arrière du bar. Je sais pas s'ils l'ont enlevé, mais elle était là dans mon temps. Bon. Fait que, en tout cas, donc, trêve de plaisanterie. Lords of Thunder, c'est un schmop fait par Hudson Soft. Oui. Et puis, c'est... comment dire? T'es comme... T'es un dude qui vole. Ouais. Puis t'as le choix, au début de chaque niveau, entre quatre armures. L'armure de terre, de feu, de vent et d'eau. Et puis, chaque niveau a un peu un élément aussi. Fait que t'essaies de choisir en conséquence, t'sais, ton armure versus le niveau dans lequel tu vas. Mais j'ai pas trouvé finalement qu'il y avait un impact si grand quand tu prenais. Ah, c'est juste un skin, comme. C'est juste un skin, mais l'armement est différent. Je veux dire, chacune des armures est totalement différente dans son attaque. Mais mettons, si je prends l'armure de feu pour un niveau de glace, le monde va pas mourir plus que si je prends une autre affaire. Donc ça change pas grand chose. Exact. Okay. Donc, tu choisis ton... C'est pas comme Alex Kidd, mettons, là, où tu changes de saut, puis tu changes d'habileté, puis ça a un impact sur ton environnement quand même. Non. Tu tires quand même partout. C'est vraiment la forme des armes, là, de ton tir qui change. Ouais, c'est ça. Attendez, c'est toujours le pattern. Bon, d'ailleurs, tu parles d'armes. T'as une ou deux armes là-dedans? Ben, c'est ça. Là, t'as une arme, t'as une forme de tir, mais que t'upgrades en pognant des power-ups. Mais avant de commencer le niveau, d'ailleurs... t'as une shop. Donc, c'est un shmup qui a une shop dedans. Là, ici, on voit du gameplay. Il y a des petits diamants partout dans les airs à chaque fois que tu tues quelqu'un. Ben, tu ramasses ça. Puis, à la fin du niveau, c'est toujours avant de commencer un niveau. En fait, tu peux t'acheter du stock. Donc, c'est pas un jeu qui te redonne tout. T'as une life bar. Puis, t'as une barre d'armement, dans le fond. Okay. Et puis, quand tu perds de la life, tu downgrade de ton armement. Okay. Donc, dans le shop, au début, tu peux t'acheter de l'armement, t'acheter de la life, t'acheter des continues supplémentaires, t'acheter des power bombs. Et puis des shields aussi. Donc moi, j'étais pas bon à ce jeu-là parce que je prêtais pas vraiment attention à ça. Tu sais. Ah, mais c'est très important. Ce moi, je pesais ce bouton puis à l'attaque. Tu sais. Mais non, man, faut que tu utilises. C'est... Ah ouais. Ce jeu-là se fait dans la bonne gestion de ton argent. Ben, c'est comme UN Squadron. Ben oui, totalement. C'est le même principe. Exactement. Donc moi, je recommande aux gens là, de premièrement jamais partir avec presque pas de life parce que moi, je commence full life. Ouais. Non. Première chose, si j'ai beaucoup d'argent, je m'achète un continu parce qu'ils ne sont pas illimités. Oh. Donc, t'en as combien de base? De base, je pense que t'en as deux. Okay. Mais tu peux en acheter jusqu'à 10. Okay. Fait que moi, quand j'ai beaucoup d'argent, j'achète un continu. Après ça, je full ma life. Puis après ça, je me booste un peu en armement avec le cash qui reste. Et puis, dans les quatre armures, moi, j'ai surtout utilisé Earth. Earth est comme de la marde un peu sous sa première forme. En boîte. C'est juste une bombe. C'est juste comme une bombe, tu sais, comme un Gradius, comme un missile qui va vers le bas, puis that's it, tu sais. Okay. Mais quand tu l'upgrades, il y a une bombe qui va par le haut aussi, puis ces bombes-là, ils font une explosion qui tue en tabarnak. Donc, je te dirais que craquer cette arme-là est la plus violente au niveau des dommages qu'elle fait. Donc, j'ai fait presque tous les niveaux avec ça. Là, ce qu'on voit à l'écran ici, ça, c'est la fire qui est craquée jusqu'au bout. Efficace, mais vous voyez qu'elle bouge elle toute seule. Un peu partout. Elle tire partout. Quand faut que tu focuses ton tir par en avant, un boss fight, un boss fight, c'est de la merde, cette arme-là. Donc, deux joysticks, ça aurait été fantastique, cette arme-là. Ouais, exact. Mais non, c'est ça. Donc ça, c'est un piège un peu. Là. C'est pas une bonne arme. Fait que moi, l'eau, l'armure d'eau et l'armure de Earth, j'ai fait tout le jeu avec ça. Je prends Wind au boss de fin parce qu'il tire direct en ligne droite. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de tirer ailleurs que dans face du boss. Tu dirais vraiment que t'es dans un niveau de Salamander, genre? Ben là, c'est un hommage un peu à Salamander. Oui, c'est ces genres de flash de feu, là. Ouais. Et puis, c'est ça. Comme je disais, il y a 7 niveaux et puis tu choisis ton niveau. Okay. Donc, tu commences où tu veux. Moi, je commence tout le temps en haut, tout de suite, sur lequel est sélectionné au départ, puis je vais dans le sens anti-horaire. Okay. J'ai comme le feeling, en tout cas, à force d'avoir joué, que ça va tout le plus dur, du plus facile au plus dur dans ce sens-là. Okay. Fait que j'essaie de commencer par le plus facile pour faire de l'argent, pour arriver dans le plus dur bien équipé. Parce que sans ça, ça aurait été mieux de faire l'inverse, commencer par le plus dur, pas perdre ton temps, puis après ça, tourner dans le sens. Mais exact. Non, t'es mieux de survivre dans le plus facile, puis d'empiler, d'encaisser. Ah, c'est pas pire, pas pire. Après ça, ça t'ouvre-tu d'autres tableaux pour faire la fin? Ouais. Après ça, dans le milieu de la map, il y a un niveau qui ouvre, et puis tu vas là-dedans. C'est beau, hein? Ouais. Ça, là, c'est un jeu absolument magnifique. Magnifique. Et puis, ah oui, ce qu'il y a de le fun aussi, c'est que c'est un jeu de projectile. Donc, tu tires. Mais quand ton bonhomme est proche d'un ennemi, il slash des coups d'épée. Oh, nice. Automatiquement. Ok. Très rapidement. Fait que quand t'es pas trop armé, des fois, tu peux juste te coller sur un dos puis slash. Ouais. Comme Strider, man. Ah, c'est le fun. Ouais, ça fait mal, là. Genre, ça fait c'est fucking fort, mal. C'est clair. Pas payé de swing. Toutes les attaques qui ont pas de portée habituellement, ça fait toujours très mal. Donc, puis c'est très badass, tu sais. Puis la musique, là, c'est un soundtrack de heavy metal, man. C'est juste ça, de la grosse guitare. C'est incroyable. C'est un soundtrack légendaire, d'ailleurs. Alpha Omega Sin, son podcast s'appelle Lords of Thunder. Ouais. Et puis, c'est ça. C'était comme un jeu très connu pour son soundtrack. Il est comme unique à ce niveau-là, là, d'être metal de même, tu sais. Metal solo de guitare. Ouais. C'est comme, il y a un petit côté quasiment Norse. Là, ça me... toutes les fois que je vois ça, je pense que c'est le petit cousin de Thor, là, de God of Thunder. Ben, ça ressemble à ça. Parce que les personnages ont des grosses armures, tu sais. Ils ont l'air un peu des Transformers ou je sais pas quoi. Mais en même temps, bon, il y a des séquences, des cutscenes quand tu arrives à la fin. Tu les vois bien. C'est très japonais, tu sais. Mais c'est pas un japonais comme jeu, là, tu sais. C'est vraiment un shmup, là, avec des belles armures pointues, là, puis un soundtrack de métal, tu sais. Donc, c'est super le fun à ce niveau-là. T'as un boss à la fin de chaque niveau. Très beau, des gros boss, là, tu sais. Pas trop difficile, quand même. Puis après ça, c'est ça. T'as un autre niveau pour. Je suis rendu où, JF, moi, là? Tu m'as pas mis ma scène, hein? Ouais, je l'ai mis, mais il reste une minute à peu près, là. Ah, vas-y, vas-y. On l'a-tu entendu? Ouais. Tabarnak. T'es tellement plongé au cœur du métal viking. Ah, ben, je capote. Puis t'as un niveau, dernier niveau, dans le fond, auquel t'as deux boss à faire. T'as un boss à faire, et puis qui est comme quand même vraiment plus dur que les autres. Ouais. Et puis, bon, t'as deux autres boss à faire, puis un dernier boss à faire. Donc, voilà. Moi, je vous conseille fortement d'avoir stacké toutes vos continues parce que. Ceux qui ont écouté mon setup de pauvre streaming que j'ai fait de jeu-là, out of nowhere, j'ai réussi à finir le jeu. J'étais arrivé au boss de fin avec toutes mes continues, puis je suis mort de ma dernière vie, de ma dernière life. Il me touchait, puis c'était game over. J'ai réussi à finir le jeu, mais j'en revenais pas. Je suis très fier d'avoir fini ce jeu-là, mais tu sais, anormal. Puis après ça, t'as hard, puis après ça, t'as super. Donc là, je me suis dit, ah, je serai du bon. Essaye à super. Là, nope. Non, j'ai même pas fini le premier niveau. Impossible. Ben, t'as juste une vie, hein. Ok. Comme une vie, un continu, c'est ça. T'as pas trois vies. Tu respawns pas dans l'écran quand tu meurs. Quand tu meurs, c'est terminé. Donc, c'est ça. C'est pas évident, mais c'est faisable. Ce qui est le plus dur à super, c'est que chaque ennemi que tu meurs devient une balle qui va super vite vers toi. Les balles vont super vite, tu sais, plus c'est hard, plus les balles vont vite. Oui. Donc voilà. Donc un jeu quand même difficile à normal, mais très faisable quand tu le fais comme faut, avec la bonne gestion de ton argent. Moi, man, j'ai adoré. Là, j'étais comme, je trouvais ça dur. Je pensais que c'était impossible, finalement, non. Puis j'aimais tellement ça, là. J'ai envie de rejouer tout le temps. C'est le genre de jeu que je vais vouloir finir souvent. Pour le juste good, à un, hein? Le feel good que t'as, là, tu sais. Ah ouais, on va triper au WEC, c'est clair. C'est gros métal. Je joue juste à un, oui, parce que les jeux de TurboGrafx-16, il n'y avait même pas deux ports de manette dans la console. Ouais. Ça te prend un multitap. Fait que c'est rare les jeux qui ont été réfléchis à deux. Multitap va mal aussi, parce qu'il y a un port de manette pour deux contrôleurs, fait que forcément, le signal se parasite. Exact. Non, c'est vraiment de la merde. Ça aurait été le fun, mais en même temps, il y a tellement de stock à l'écran, t'es quand même bien là, tout seul dans ton univers. Donc, j'ai capoté de redécouvrir ce jeu-là comme il faut. C'est un must. C'est dur à acquérir. Là, ça coûte cher, ça, genre 200$. Ouais, là. C'est cher. C'est un jeu très cher. Mais un jeu qui vaut la peine. Si vous avez une flash cart ou whatever, là, tout de suite, garochez-vous là-dessus. Je donne un 9.5 à ce jeu-là. Wow, c'est un jeu que je trouve pratiquement presque parfait. Là, j'ai trippé ben raide. Donc, vraiment, là, j'ai le goût de jouer encore. Là, j'aimerais ça. Le son, quand tu tues du monde, quand tu pognes le diamant, c'est très hot. Très hot. C'est pas un jeu de Guinness. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Et même qu'une fois sur Twitter, Michael il a retweeté que Tony Hawk, quand il était jeune, il était dans un party de monde qui jouait à Lords of Thunder, puis il filmait la caméra, puis faisait des entrevues à ses chums sur comment est-ce que vous tripiez sur Lords of Thunder. J'ai vu ça sur Twitter. Il y a comme un fan qui a comme poké Tony Hawk en disant « Hey, c'est-tu toi vraiment dans cette vidéo-là? » Il a dit « Oh my God, oui, j'avais complètement oublié. » Donc, Tony Hawk est fan de Lords of Thunder. Crissement hot. Gage de ce qu'il est vraiment cool. Ah oui. Ok, fait que maintenant, c'est à moi, et puis cette semaine, je reviens dans l'univers du VR avec cette excellente bannière. Et aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Marshmallow Melee, développé et publié par la compagnie Tree Elix LLC. Et puis, c'est disponible sur PC, sur HTC Vive et Oculus Rift. Ça, c'est un jeu qui est un dungeon crawler roguelike. Avec des petits bonhommes en guimauve, donc d'où Marshmallow Melee. Et je vais vous mettre du gameplay pour qu'on puisse en parler justement. Là, le but, ça va être de vous décrire en audio c'est quoi l'expérience de ce jeu-là. En fait, c'est un jeu qu'on, nous, on bouge pas physiquement en tant que tel. Là, c'est des bonhommes qui vont se battre pour nous. Donc nous, on va aider 2 à 3 petits bonhommes en Marshmallow à se battre dans différents niveaux roguelike, là, dungeon crawler. Fait que c'est procédural. On recommence tout le temps de zéro les parties. Puis là, on voit ici là, en ce moment, dans le fond, les combats, comment ça marche. Il y a moyen d'équiper nos petits bonhommes en Marshmallow en leur donnant des casques pour de la protection, différentes armes. Puis à chaque étage du donjon, dans le fond, on les garoche sur un genre de deck devant nous autres. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est les contrôler ou activer leurs spéciaux. C'est pas mal ça, en fait, le concept du jeu. C'est comme un godlike mélangé avec un roguelike. Genre dungeon crawler. Nous, en fond, on n'a pas d'autre intervention dans le jeu que de contrôler les bonhommes. En fait, on a un spécial qui est à nous comme du master qu'on peut lancer sur le deck. Soit on a vu soit une grosse bombe, soit une affaire pour les healer ou pour freezer le monde, donner de la pizza. C'est très cute ce jeu-là. C'est un jeu qui a 50 niveaux de profondeur qui devient quand même assez difficile rapidement parce que faut que tu contrôles chaque bonhomme séparément ou tu peux les contrôler en gang. Fait que tu mets des rally points. Bon, il y a des coffres qui tombent sur le deck. C'est très bien. C'est un jeu qui est disponible également pas en VR parce que ça me semble un peu comme... je sais pas, artificiel d'être en VR? Ben, c'est ce que je me suis fait demander sur Twitch, c'est pourquoi c'est en VR, puis ma réponse a été pourquoi pas, tu sais? Ouais. Parce que oui, ça marcherait ça en point and click probablement, mais ça serait peut-être trop facile avec une souris de pouvoir cliquer directement sur chaque bonhomme. La complexité est quand même là de devoir gérer les bonhommes manuellement, d'aller le cliquer, de le déplacer. C'est ça, ça a l'air d'être vraiment un peu comme... Moi, c'est pour ça que tu disais, tantôt, on peut pas intervenir, mais il me semble que j'aurais vu ça que justement, quand tu viens intervenir, tu sais, si tu fais pas attention, tu peux comme... pousser tes bonhommes en dehors du deck. Mais tu peux, mais ils vont revenir. Mais tu peux, par exemple, en les déplaçant, en faisant pas attention, il va en accrocher un autre, va tomber sur des pics, va perdre d'énergie. C'est ça, ça revient quand même de la manipulation. C'est un dungeon crawler. Fait que faut que tu battes chaque quantité de boss qu'il y a par deck, par niveau, dans le fond. Mais toi, t'as une armée de petits bonhommes. Ouais, t'as 2 à 3 petits bonhommes que tu vois là qui sont à droite. Tu les mets, tu les envoies se battre contre les ennemis. Contre les ennemis de ce boss. Tu te rends jusqu'au plus profond que tu peux. Le but, c'est de passer la cassette. C'est un peu comme Binding of Isaac, je dirais, mais en VR, tu sais. C'est qu'à chaque tableau va être unique, puis tu recommences à zéro à chaque fois que tu recommences la game. Okay. Le but, c'est de te rendre le plus creux possible. Il y a qui ont bien réglé le problème de locomotion là-dedans, donc t'as pas à te déplacer. C'est un genre de tronc d'arbre qui tourne sur lui-même, puis qui va t'amener les niveaux. C'est quand même bien. On va peut-être le voir tantôt, là. Dans le fond, là, on voit que c'est la boutique pour acheter des trucs, pour améliorer nos bonhommes. Acheter de la pizza, acheter des casques, acheter des armes. Tu peux avoir des arcs à flèches, mettons, pour tirer plus loin. Fait qu'il y a quand même une boutique qui vend du gâteau, de la pizza et des arcs à flèches, je respecte ça. Pour donner ça à des bonhommes en guimauve. D'ailleurs, le vendeur a une belle moustache là, du bonhomme en guimauve. Là, pas sonneur pendant toute cette histoire-là. Non. Mais non, c'est comme la cordonnier sur la rue Ontario qui vend aussi des fusils. Des carabines, des couteaux de revolver. La colle à running shoe. Excuse-moi, j'ai affaire. Mais non, c'est très bien. C'est pas très compliqué, c'est pas très long. C'est un jeu que tu vas prendre, tu vas jouer une run, tu vas le laisser tomber, tu vas revenir un peu plus tard, essayer de rebattre. Ouais. Il est le fun pour ça. Ça manquait, moi, des fois, des jeux de VR que tu peux aller juste faire une petite game puis que t'es satisfait. Ouais. Des points négatifs, je trouve qu'il manque un peu de variété dans les ennemis, un peu de variété dans le design des niveaux. Ouais. C'est quand même bien à certains. Bon, là, le gameplay est pas super. Le gars, il est dans la boutique en ce moment. Ouais, là, c'est ça, mais. Non, mais on comprend souvent les jeux indépendants, des fois, ils n'ont pas nécessairement le budget pour pouvoir. Mais ça, c'est un jeu qui est en early access en ce moment en plus. Okay. Le jeu, il est 8,99. Fait que pour ça, là, on a vu le gendarme. Ouais, c'est pas cher. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est quand même très bien pour vrai. J'ai eu bien du fun avec, puis je me suis rendu level 35 sur 50 à date. Puis ça vient difficile assez rapidement. Pas pire, pas pire. Quand même. Donc, pour toutes ces raisons, je lui donne un beau 7,5 sur 10. Yes! C'est une belle idée. J'encourage les développeurs à essayer ce genre de jeu-là parce que c'est un, Parce que justement, on se dit, pourquoi en VR? Ben pourquoi pas? Puis ça peut souvent amener à un développement d'un autre jeu plus poussé. Exactement. Ouais, parce que la mécanique de base fonctionne, puis on voit que ça interagit. J'ai vu bien des jeux de ce genre-là qui sont des jeux de deck ou des jeux de des board games en VR. Ouais. Fait que ça, c'est un peu un board game en VR, mais interactif parce que les bonhommes bougent puis ils attaquent eux-mêmes. Puis, attends, genre, un jeu de Magic en VR. Je suis sûr man. Que ça existe, je peux t'en trouver un sur le jeu. Tu poses tes cartes de même plus comme... besoin d'aller au secret des Corrigans. Puis... Tant qu'à parler de la promenade d'Ontario. Tu peux rester chez vous en bobette à jouer à Magic. Non, non. Mais Hearthstone VR, ça doit bien exister. Hearthstone VR, faudrait demander à Eric. Ça doit s'en venir. C'est sûr. Mais non, Marshmallow Melee sur Steam, regardez ça. C'est cool. Quel fun. Nice. C'est là. Fait que sur ça, on va vous parler une discussion. Une discussion, quand même. Oh. On nous a demandé de donner nos meilleurs jeux d'horreur, vu que c'est l'Halloween est à nos portes. Ouais, on est semi en épisode d'horreur aujourd'hui. Ouais, on est semi épisode d'horreur. Il y a des liens là, lointains à faire. Mais non, c'est ça. L'Halloween s'en vient, puis on a plein de... On avait deux questions, en fait. Mais c'est vrai, on avait une autre question. Ouais, ben on peut faire la première question rapidement. Fred, vas-y, si fais la première question. Est-ce que quelqu'un a imprimé la question, en fait? Non. Non, Jean-François qui nous demandait... Attends un peu, je vais y aller. Si je me souviens bien, qu'est-ce que vous pensez de Sony qui va publier des jeux sur la Switch? Ouais, en fait, on voulait juste aborder rapidement cette question-là, parce que c'est comme une nouvelle qui a fait un peu de bruit dans la dernière semaine, mais... En fait, je pense que c'est une nouvelle qui est un peu interprétée de façon un peu exagérée, dans le sens que Sony, c'est quand même une grosse compagnie qui a plusieurs divisions. Tu sais, il y a Sony qui font les télés, t'as Sony qui font les jeux, t'as Sony, je pense qu'ils vendent des assurances au Japon. Exact. Et t'as une branche qui est Sony Music. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'sais, Sony Computer Entertainment s'occupe de PlayStation. Puis Sony Music Entertainment, habituellement, s'occupe de la musique, mais publie maintenant une autre branche qui s'appelle Untize, en fait, qui est sous leur aile, puis qu'eux autres, c'est plus comme qui publie des productions indépendantes de jeux vidéo. Puis eux se sont enregistrés comme développeurs, évidemment, pour PS4, parce que c'est Sony. Ben, ça, c'est comme une subsidiaire de Sony. Et aussi PC, VR et Switch, à la surprise de tout le monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui se demandaient si est-ce qu'on va voir God of War sur Switch, etc. Et la réponse est probablement non. Évidemment, on le sait. On sait pas, on travaille pas personne chez Sony, bon, on n'est pas au courant, mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est comme je dis, c'est une branche subsidiaire, c'est pas nécessairement c'est pas la même branche que Sony Computer Entertainment. Ouais. Donc, il y a des bonnes chances que Sony ne voudra pas nécessairement aller aider Nintendo à vendre des consoles et garder, évidemment, leurs jeux chez eux. C'est Par contre, les jeux indépendants de ces studios-là, évidemment, ils n'ont pas d'intérêt à pas faire plus de cash avec. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que toute cette histoire, ça s'est sauté trop vite aux conclusions. Je pense que oui. Oui. Mais bon, on verra ce qu'elle a amené. Comme plusieurs choses sur Internet. C'est ça. Ça arrive. Oui, exact. Ben, c'est une belle nouvelle. C'est pour ça que ça a été fun. Mais bon, bref. Mais tu sais, Sony a déjà fait des jeux de Super Nintendo. Ben oui, il y a un partenariat pour la PlayStation. Ah, ben oui. Donc, l'excellent Sky Blazer. Ouais. C'est vrai. C'était Sony là avec la plume. Puis, c'était bon à tabarnak. Hook aussi, qui était moins bon. Mais bon, si ça n'aurait pas été du Nintendo PlayStation, on serait pas rendu d'aujourd'hui. Oui, exact. Bref, c'était juste ça. On voulait. Remercie Jean-François Dupuis de Collector Vision pour sa question. Ouais. Alors voilà. On va y avec le deuxième qui était de la part de. Je me souviens plus qui, malheureusement. C'est Jacques Germain qui nous demande les meilleurs jeux pour jouer le soir d'Halloween. Ouais. C'est ça la question. C'est ça. Ouais, donc, on a comme classé on ça. On a plein jeu de suggestions. Finalement, c'est juste des suggestions là, qu'on a, qu'on va dropper. Solitaire, le soir d'Halloween. En ce qui me concerne, c'est pas nécessairement les meilleurs jeux, mais c'est des jeux que j'avais envie de parler. Plugger, vas-y donc. Plug-en un. Ben, je vais commencer. Je vais commencer avec un. Vas-y. C'est parce que. On fait tellement des spéciales d'Halloween à chaque année depuis 2011 que là, je suis comme « Ah ouais, je vais mettre un jeu Atari. » Ah, attends un peu. Il me semble que j'ai déjà fait un cover d'Atari. Ouais, hein, c'est ça. Haunted House, Texas Chainsaw Massacre. Je peux plus faire ça. Mais là, celui-là, je sais pas si j'en ai déjà parlé beaucoup, mais en tout cas, ça va être ça pour aujourd'hui. Alien 3 au Super Nintendo qu'on voit ici à l'écran, ma copie pas mal mint. Qui est, on voit le petit arc-en-ciel du démon en bas. C'est l'Halloween. LGN, le petit arc-en-ciel comme ça, signifie, et puis le Angry Video Game Nerd a poussé bien fort là-dessus aussi, jeu d'anarde. Mais, tu sais, il y en a un sur 20 là, qui est pas pire. Maximum Carnage, c'était le fun. Ouais. Tu vois, ça, c'était correct, ça. Puis, cet Alien-là, dans le fond, il est fait un peu, il utilise la même engine que... Batman Forever, je pense. Ouais. Puis Mortal Kombat. Mortal Kombat, un peu. Tu sais, c'est tout Acclaim LGN, je pense, connecté. Ouais. Puis, la façon que le personnage bouge. Puis c'est très bien, c'est bien fait, ouais. Mais c'est répétitif. Je pense que tu as 5 niveaux très vastes dans lesquels tu as plusieurs missions à remplir. Ouais. Puis tu sais, tu as un terminal, il faut que tu retournes voir. Ah ouais, ok, attends un peu, il y a une map, les objectifs, tout ça. C'est un peu de gossage de retourner voir exactement ce qu'il faut que tu fasses, mais c'est très joli. Puis l'ambiance, en fait. C'est ouais. Vraiment l'ambiance. La musique de jeu-là, là, ouais, ça marche bien, c'est ça. Dark. Là. Vraiment, c'est lugubre as fuck. Puis ça t'enrobe là, totalement dans l'univers de ce jeu-là. C'est juste que c'est ça, c'est un peu long. Ok, cours à gauche, à l'autre bout de la map, cours ouais. À droite, aller péter des œufs, ouais. Reviens, check le terminal. Ok, retourne là-bas, il y a un prisonnier. Retourne là-bas, souder une porte. c'est comme, t'es comme, tu fais de la job d'esclave un peu. Là. Ah ouais. Mais si ça avait été un petit peu plus comme varié, puis plus dynamique, moins de gossage, puis plus facile d'accès aussi à l'information ouais. De ta mission, ça aurait été là, top game. LGN. LGN, mais, ah, ça, ça mais ils ont réussi à habiller, puis le contrôle aussi est très bon. T'as 3 ouais. Armes, tu sais. C'est pas brisé du tout. C'est quand jeu. Même un des meilleurs jeux d'Alien. Ah ouais, totalement. Ça ressort. Là. Moi, c'est mieux qu'Alien Colonial Marine. Oui, exact. Aliens Infestation. Mais Alien 3, tu sais, justement, un jeu d'arcade, Alien 3 The Gun. C'est malade en Christ. Rien à voir avec ça, là, par exemple. Non. Ça, c'est un genre de platformer. Mais ça coûte c'est rien, tôt ça. Jeu, là, Alien c'est 10$, je pense. Ouais, ce ouais, c'est rien. Fait que moi, je dis, c'est un excellent jeu à avoir dans votre collection, mesdames et messieurs. Crachez pas là. Prends ton mot. Hein? On va prendre ton mot. Ouais, ouais. Si vous voyez ça au pawn shop, et c'est très possible, là, dans des bins de jeux qui sont considérés de marde, ouais, ben c'est... ça n'est pas un de marde tant que ça pour son prix. Bon. Alors, aïe, voilà. Aïe. Moi, en fait, comme je vais le slider dedans, puis je vais dire un autre jeu après, j'allais parler de P.T., mais c'est un peu plate parce que P.T., on peut plus y jouer. Non. Mais en fait, pour les gens qui pouvaient pas y jouer, puis ça, c'est quoi P.T.? Ça veut dire Playable Teaser. Puis c'était dans le fond la base au nouveau Silent Hill. Fait que c'est comme okay. Il essayait l'engin puis tout ça. Puis c'est ça, c'était Hideo Kojima puis Guillermo del Toro qui travaillaient ensemble à faire un jeu. Puis là-dedans, en fait, t'es juste dans une maison. Puis tu te promènes dans les corridors puis t'essaies de comprendre exactement ce qu'il faut que tu fasses. Puis t'as des flashs de Lisa qui est comme fucking freakante, vraiment épeurante puis tout ça. Puis c'est juste vraiment extrêmement creepy. T'as des jumpscares qui sont vraiment efficaces. Puis le jeu dure à peu près, là, quoi, une heure à peu près maximum, tu sais. Fait que c'était vraiment cool comme expérience, mais c'est ça. Puis c'est le jeu le plus... Moi, c'est un pas mal, je pense, le jeu le plus épeurant que j'ai joué. OK. Puis c'est ça. Malheureusement, il est plus sur le store nulle part. Tu peux plus y jouer à cause à de toute la merde de Konami. Là, à moins de l'avoir gardé, c'est vrai. PlayStation qui se vendent sur eBay avec le démo de P.T. Ouais. Dessus, c'est vrai. Vraiment malade. Mais, ouais. Malade. Mais sinon, je vais glisser rapidement à un jeu que tu peux jouer maintenant, Outlast. Ouais. J'ai pas joué au deuxième, mais j'ai joué au premier. Ça m'a vraiment fait freaker. Ouais, une compagnie de Montréal. Ben oui, les anciens. C'est vraiment de la bombe, ce jeu-là. Côté atmosphère, storytelling, tout ça. C'est un jeu en first person. Zombie tout nu avec les pénis qui se trimbent. c'est pas le fun. Tu te feras courir après par un gars tout nu. Moi, j'aime ça. Tu vois le schlong. La verge, ouais. Il y a de la physique là-dedans. Ah ouais. Tout est là. C'est pas le fun. C'est malaise. Les bras sont raides, mais le bat, il est parfaitement articulé. Il plie comme un vrai bat. Tu sais, tout est là. Tu vois la petite veine. Là. Un hostie de belle rig. Mais. Ça fait peur. Mais non, mais c'est ça. Mais Outlast, ce qui est le fun, c'est que t'as aucun pouvoir là-dedans, en fait. T'es souvent démuni, en fait. T'es dans très Outlast. Démuni. T'es très démuni. Puis le punch est excellent. Ce jeu-là, il est vraiment bon. Je veux dire, du début à la fin, je pense pas y trouver vraiment un défaut, là. C'est trop peur. Le rythme est bon, ouais, puis t'as vraiment, vraiment la chienne. Fait que non, un très bon jeu. Je le conseille fortement. Présent, je pense qu'il est sorti en bundle avec Outlast 2 puis un ouais, autre jeu, Aenema, ou je sais pas trop. Il me semble qu'il y a c'est un autre jeu qui est avec. Je pense que ouais, c'est le ouais, c'est ça, c'est ça. Exact. Mais c'est ça. Fait que achetez ça. Yes. C'est de la bombe. Moi, je vais enchaîner avec le mien. Qui est Luigi's Mansion. Moi, ça me fait peur, les fantômes. Ben oui. Non, c'est pas vrai. Non, ben. Non, j'aurais pu continuer là-dessus, mais je vais faire la petite blague. J'aime ça, cette petite blague-là. Ah oui? Mais moi, je vais parler de un de mes jeux préférés de, mettons, Halloween horreur, c'est Super Ghouls and Ghosts au Super Nintendo. Ah, ouais. Oui. Parce que c'est pas la meilleure version du jeu selon moi. Là. Moi, je préfère la version de Genesis. Mais celle-là au Super Nintendo. Plus arcadesque. Ouais. Genesis, au niveau du gameplay. Puis tu sais, il y a des continues à l'infini. Là. Ça, ouais, ça fait. C'est smart. Là. Ça, c'est pour un jeu de, ouais, ça, de ouais. Ce scalier-là, ouais. Là, c'est swell. Mais au Super Nintendo, par contre, c'est lui qui m'a le plus marqué parce que je faisais des cauchemars des fois quand j'étais jeune, puis il y avait la musique de Ghosts and Ghosts, de Super Ghosts and Ghosts dedans. Là. C'était très. Ouais. C'était vraiment freakant. Ça me faisait vraiment capoter, puis c'était comme. Tu sais, c'est impossible à jouer quand t'es jeune. Là, ouais, ouais, c'est ça, c'est impossible. Ça prend une patience que t'as pas encore développée. Là. Mais bref, je trouve que ce jeu-là, justement, bon, t'as une difficulté qui fait peur. Puis quand t'avances dans ce jeu-là, t'es tout le temps sur le gros nerf. Tu sais, bon, il parle de Dark Souls, mais Dark Souls, c'est pas mal plus forgiving. Ouais, t'es sur le nerf parce que tu sais pas c'est quoi la prochaine shit qui arrive. C'est ça, il y en a une. Il y en a tout le temps. Tu considères déjà fucking chanceux d'être vivant. Puis là, tu dis, OK, là, je suis jamais allé là, aussi loin que ça. Là, t'as des affaires d'en face. C'est ça, là, man. Tout le temps, tout le temps. Puis dernièrement, tu sais, j'étais content, je me suis attrapé une Super NES Classics. Ouais. Puis, tu sais, je l'ai plugué. Ah ouais. Ça, là. C'est la preuve que c'est facile à trouver. Exactement. Puis ben ouais. Je l'ai branché à job. Puis sur l'heure du midi, je me suis comme lancé dans le défi de passer ce jeu-là. Puis dedans, t'as comme la fonction rewind. Ouais. Cette ouais. fonction-là ouais, est ouais. extraordinaire. Les concepts classiques servent à ça, en fait. C'est finir des jeux infinissables. Ouais. Mais je me sens sale quand je fais ça. Ah non, je l'ai pas vraiment fini. Mais j'ai t'as vu pas la le droit fin. De dire que tu l'as j'ai fini. Vu la fin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, pour ceux qui ont jamais joué, c'est ça, t'as comme. 5, mettons, niveaux plus longs avec peut-être 2 petits niveaux un peu plus courts vers la fin qui sont très, très, très cruels. Puis quand tu finis à la fin, là, on te dit « Hey, non, ça te prend un item qui se retrouve dans le premier tableau si tu veux pouvoir passer le boss de la fin. Ouais. » Fait que là, tu recommences le jeu au début, puis il y a un item qui spawn dans le début du jeu. Puis il faut que tu l'attrapes, il faut pas que tu le perdes, il faut que tu te rendes à la fin. Hey. C'est vraiment... C'est un peu comme, tu sais, comme au primaire, quand tu te donnes l'œuf qu'il faut que tu prennes soin, là, ouais. parce qu'ils savent que tu vas le scraper, ils vont pouvoir te dire que tu mérites pas d'avoir d'enfant. Ouais, c'est un peu pareil. On te donne ce système-là, puis on t'en garde à te planter avec. Mais bref, moi, c'est un de ces jeux que j'aime bien. Ben écoute, c'est bon à avoir, tu sais, puis c'est joli. C'est une belle affaire. Je trouve que ça rendait l'horreur sympathique. Ouais, c'est sympathique. C'est cute. Toi, Jean-François. GF, ouais. Ben par nostalgie, je vais dire Resident Evil 2. Ouais. Parce que je me rappelle encore du saut que je fais quand que j'ai eu la bébite qui tombe du plafond dans le corridor au début. Là. Mais au, ça, c'est pas au 64 ou bien au PS1? Au PS1. Ouais, hein. Au PS1, quand elle passe devant la fenêtre, t'es comme tabarnak. Ouais, je me rappelle de l'ambiance puis de ce mood-là. Je sais pas si ça. J'ai pas joué depuis tellement longtemps. Parce pas qu'au si 64, c'est bon, comme un cube, comme joue un pas, autre. Non, il est super beau au 64. Moi, je trouve que c'est un superbe souvenir, en fait. Que t'es mieux de pas revisiter. Ouais, ben cette version-là, en fait, comme la version HD, c'est vrai qu'elle est vraiment hot. Ouais, ouais. Mais je trouve que ces jeux-là, c'est la première expérience, la meilleure tout le temps, ben les ouais, jeux d'horreur, sûr. Parce que tu sais pas à quoi t'attendre jamais, tu sais. Mais je peux donner une suggestion en VR, un jeu qui s'appelle Emily Wants to Play. Le jeu que vous voulez jamais jouer tout seul chez vous le soir. Là. Ah ouais, c'est ah bon ouais. ça. Parce que je regardais la pochette puis je trouvais ça c'est tellement lettre que j'ai épouvantable, pas... épouvantable, ce jeu-là. OK. Tu joues à un livreur de pizza qui arrive dans une maison puis que tu peux plus ressortir parce que la porte est barrée. Puis les lumières se ferment. Puis là, il y a une petite fille dans cette maison-là qui veut jouer à cachette avec toi. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut te tuer. Là. Fait qu'il faut pas qu'elle te voie, tu sais. Makes sense. Mais là, tu te promènes, tu sais. Puis là, elle ferme les lumières. Là, t'es comme tabarnak. Tu rouvres les lumières. Tu sors dans une autre pièce, elle referme les lumières. Rouvre les lumières, il y a un clown là, tout d'un coup, tu fais les sauts à chaque 3 secondes. Calice. J'ai pas besoin de ce niveau de stress là dans ma vie. Moi, je suis un gars dans la vie qui est super peureux, puis ces genres de jeux là, je veux jamais jouer à ça. J'ai fait jouer mes chums à ça, puis j'ai ri de lui en le filmant, puis c'était bien comique, mais ça a l'air intense. Puis le VR. Le VR livreur de pizza. Le VR t'amène à une coche. Ben oui, c'est supplémentaire. C'est pogné dans le VR. Parce que tu peux pas t'échapper, tu peux pas regarder à côté, tu peux juste fermer tes yeux au pain, mais. Regarde l'autre bord, le gars va être là pareil. Obligé de mettre une j'avoue couche. Que l'horreur, c'est un bon... Mais c'est un bon créneau. L'horreur, c'est parfait. Il y a beaucoup de jeux qui sont en horreur. Ouais, Resident Evil, pour le VR, l'horreur, c'est un excellent créneau. C'est un bon marché et ça pogne beaucoup. C'est pas moi le public cible, malheureusement. Rapidement, Dom, passe un autre. Ouais, je vais enchaîner avec un jeu que tu m'as gracieusement laissé dire. Ben oui. Il s'agit de Monster Party au NES. Terrifiant. Un autre jeu, un autre jeu qui vaut pas cher puis qu'il est étrangement bien correct. Il est fun. Il est fun ce jeu-là. Oui, genre tabarnak. Cette signature-là est fantastique. Ah, ce logo, c'est beau, c'est fluo, c'est mauve. C'est très Halloween-esque là, comme pochette. Plein de questions là-dedans. Et puis, ce jeu-là, il est complètement plein de sang puis de gore, man. Puis ouais. Des faces qui dégueulent. C'est cute gore. C'est cute gore, mais c'est vraiment intense gore. Tristement tordu, tu sais. Puis t'as des boss là-dedans étranges. Chaque niveau est comme a plusieurs portes dans lesquelles t'as quelques boss. Puis les boss, là, c'est n'importe quoi. Ouais. Là, c'est une grosse plante. Ou bien c'est des joueurs de tam-tam japonais. Ou bien des abeilles qui font je sais pas quoi. Est-ce que c'est fucké? C'est fucké ce jeu-là, man. Colin. Mais c'est un platformer. C'est un party, écoute. C'est Rocky Horror. Mais sur l'acide. C'est comme sur si Rocky Horror Picture Show faisait de l'acide. Là. Exactement. Puis c'est ça, c'est pas cher. C'est un platformer, dans le fond. Et puis. De la compagnie bandée. À compagnie bandée, exactement. On t'attend pour un autre vite. Ouais, ça vaut la peine. Ouais, ben moi, j'en ai un autre que j'aimerais dire. Après ça, à la limite, on fera une run rapide sans les commenter. Yes. Moi, j'aurais Until Dawn que je veux dire. Ah oui, parce c'est que c'est vraiment, vraiment, si vraiment bon. Cette année, ça. Until Dawn, il était gratuit sur le PlayStation Plus. Si tu l'as pas attrapé, ben, too bad. Mais sinon, achète-le pareil, il est 20$. Puis c'est ça, c'est un jeu dont vous êtes les héros, finalement. En fait, c'est que tu as des choix à faire. Puis les choix que tu vas faire vont influencer ce qui va se passer par la suite. Des fois, t'as l'effet papillon là-dedans qui disent un peu comme le ripple effect. C'est drôle, ça enlève toute l'horreur qu'il peut y avoir. The butterfly effect en anglais, mais tu sais. C'est ça, bref, c'est un jeu en fait. Là, tu t'en vas dans un chalet pour te réunir avec tes amis pour le premier anniversaire de la mort d'une de tes amies en fait. Qui était morte près de ce chalet-là, puis on sait pas comment qu'elle est morte exactement. Bref, toi, tu le sais, mais le groupe le sait pas. Puis tu contrôles toutes sortes de personnages qui ont toutes des personnalités différentes. C'est vraiment le fun. Ça prend tout le lore, toutes les tropes du film d'horreur. Fait que, tu sais, les slashers que tu connais bien sont toutes là-dedans, en fait. Il y a un hommage à tout ça partout. C'est vraiment bon, les performances sont écœurantes, puis c'est solide. Puis je sais qu'aujourd'hui, il sort aussi Hidden Agenda, qui est un jeu joué avec lequel vous pouvez jouer avec vos téléphones cellulaires. Ah oui. Puis c'est la même gang qui ont fait Until Dawn. Il est 20$ aussi, fait que ça vaut la peine. Ben même Until Dawn, si je me trompe pas, tu peux aussi jouer en gang pour prendre des décisions ensemble. Christy, bon jeu, sérieusement. C'est le signe du tour de table rapide. Vas-y, Fred. Ok, j'en fais un petit dernier. Écoute, je me garde. Tu viens de parler de Resident Evil 2. Moi, je parlerais du remake de Resident Evil 1 qui avait été sorti sur la GameCube. Tantôt, tu parlais justement qu'on perdait un peu le plaisir de découvrir le jeu quand on l'a déjà joué une fois. Mais justement, ce remake-là, je trouve que c'était vraiment un méga upgrade du premier Resident Evil qui était sorti sur PlayStation. Ceux qui n'ont jamais joué, c'est vraiment le même principe, des panneaux fixes, des décors pré-rendus, mais vraiment une coche au-dessus. C'est vraiment beau, c'est vraiment hyper lugubre. C'était vraiment hyper bien fait à l'époque. Aujourd'hui, ça a vraiment extrêmement bien vieilli. Ouais. Contrairement à beaucoup d'autres jeux, des fois, où est-ce que c'est moche. Je pense qu'ils ont même fait un update. Je pense qu'il est sur PS4, si je me trompe pas, en HD. Puis c'est pratiquement le même jeu. C'est juste qu'ils ont repris les décors qu'ils avaient fait au travail. Puis ils ont élargi pour couvrir les écrans HD. Ben, les personnages aussi ont quand même été travaillés. Ouais, les personnages étaient drettes. C'est sûr, il était drettes. Mais bref, ça, c'est dans mes tops. Ouais. Moi, sinon, là, un blitz juste de nom, OK? Ouais, vas-y. J'avais un autre jeu à faire. OK, tu le feras dessus de vrai. OK. Jouer à Silent Hill 2, à Manhunt, à Condemned Criminal Origins, à Alien Isolation, à Dead Space 2, puis à Phantasmagoria. Puis si vous avez le temps encore, à Phantasmagoria 2. Exact. Moi, je vais finir avec Nosferatu, qui est un jeu au Super Nintendo. On l'a joué en pre-show tantôt. Ah ouais, hein? Un petit peu, ouais. Ça, c'est un jeu qui vaut quand même cher, genre 80-100$. Ouais, ouais. Puis c'est comme un Prince of Persia, mais dans le château de Nosferatu. Et puis, c'est en même temps un brawler. Ouais. Tu punches les ennemis dans la face. Des gens de gargouilles, des petites gargouilles. C'est ça, puis t'as des combinaisons d'attaques, tu sais, puis tu peux dasher, puis flying kick. Moi, man, je rêve d'arriver à la fin, puis de puncher Dracula. Nosferatu. Ouais, mais j'aime ça. Un coup de poing dans la gorge à Nosferatu. C'est comme ça. C'est tellement drôle pour ça. Fait que c'est étrange que ce soit un brawler. Puis quand tu finis un niveau, il est comme « Yeah! » Comme si c'était un Street Fighter. Hurricane Hero. Fait que ça, c'est weird. Peux-tu ramper dans le jeu? Non. J'ai cherché comme un hostie malade. Tout à l'heure, j'étais pogné dans une pièce. La porte était fermée, il y avait un mur, puis il y avait un petit trou en bas. Tu pèses par en bas, diagonale, puis une affaire carrée, je pense. Puis là, tu vas glisser par en bas. J'ai essayé, mais je fonçais dans le mur. Fallait regarder sur Internet. Faisais baisser ma life. Mais c'est ça. Donc, oui, non, bon c'est Prince of Persia, mais Dracula. Très, très bon. Bon. Excellent. Puis, dernière suggestion, vous pouvez aller voir dans nos archives, dans RNTV, on jouait à Night Trap et c'était des bons moments. Ah oui, ça, c'était drôle, ça. Puis, notre spécial d'Halloween aussi qu'on a fait dans le bois où GF devient un zombie. Le bois de pointe au 30. Le bois de pointe au 30. Ouais, c'est ça. Tu as gâché le punch. Ah, c'est vrai, hein? Je disparais pendant l'enregistrement de Réseau Nouveau TV. Ah, écoute, on est du stock. Je me suis noyé et tout, des arts, en tout cas. Stock, techniquement, c'est fait. Mais je pense que l'énigme est quand même, tu sais. L'énigme est mince. C'est assez mince. Devine. Allez voir quand même. C'est un de mes vidéos préférées, ça. Mais c'était du acting à son meilleur, là. Il n'y avait rien de scripté, là. On a comme décidé. Comme des bronzes. Matt Crump acting. Ah, oui. Non, moi, je suis pas à l'écran. Je suis disparu. Exact. Bon. Ouais, tu filmais, en fait. Non. Ouais. Les bon, gars, les gars, c'est à ton tour. Yes, c'est à mon tour. De nous parler d'horreur. Pis c'est le fun parce qu'on reste dans la thématique Halloween. Puis je parle ce soir d'un des jeux que je suggère le plus souvent à des gens quand on parle justement d'Halloween et tout. Pis ça s'appelle Haunting Staring Poltergeist. Ah, donc, c'est développé et publié par EA. Puis, faire un peu une petite histoire courte de EA, à l'époque, c'était pas juste des jeux de sport. Il y avait aussi beaucoup de jeux, justement, qui étaient artsy. Ouais. Ça, c'est fait par les gars, dans le fond, qui ont fait 720 degrees. Ah ouais? Ah ouais? Paperboy et tout. Donc, ça donne une idée un peu du monde qui aimait les jeux originaux, tu sais. Bonne idée de la perspective. Belle gang. Là. C'est ça, exactement. Perspective de côté trois quarts. Isométrique. Sinon, c'est disponible sur Sega Genesis, mais si jamais t'es trop pauvre, t'as acheté un Sega Genesis puis t'as un PSP, il y a une compilation qui s'appelle EA Classics qui a ce jeu-là dessus. Ah ouais? Et sinon, si tu veux te jouer en cassette, ça va te coûter à peu près entre 30 et 60 $ je te dirais, pour te trouver juste une copie. Juste la cassette? 30$ la cassette toute seule, sinon dans les 60$ complètes à peu près. Ben, my God! C'est pas si pire, ça se trouve quand même assez bien. Puis... c'est vraiment un jeu qui est dur à décrire. Là. La façon que j'irais, là, je dirais que c'est vraiment un jeu d'action avec un mélange de stratégie slash casse-tête. Fait qu'en gros, là-dedans, on joue le rôle de Potter Guy, qui est un petit fantôme qui doit terroriser la famille Sardini pour les faire pour rendre leur vie misérable. Il est plus un gobelin, là. C'est ça. C'est parce que, rockabilly. Là. C'est parce que Potter Guy, c'est un petit punk qui faisait du skateboard un jour, puis il est décédé parce que son skateboard a cassé. Et son skateboard était fait de qualité douteuse et était produit par Vito Sardini, qui est le méchant italien, évidemment, là-dedans. Donc, c'est pour ça que Poltergeist a décidé de se venger et de rendre leur vie misérable, y compris les enfants. Ça, c'est pas cool. Là. Wow. Mais bon, écoute, ça, c'est on dirait de Sims, ça. Ouais. Fait que, dans ce jeu-là, on doit, en fond, les terroriser puis les faire quitter la maison dans quatre maisons différentes. Puis je dirais que ça prend à peu près une heure ou deux pour peut-être finir le jeu, tout dépendant de quand si tu sais qu'est-ce que tu fais. Ils te voient pas, eux autres, hein? Non, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, tu joues le rôle. Quand t'es Poltergeist, les gens te voient pas, t'es comme un fantôme et tout. Puis pour faire peur aux gens, il faut que tu possèdes les objets dans la maison. Donc ça, ce que tu fais, c'est que tu sautes dans l'objet, puis t'en ressors, puis là, l'objet, il va triggerer une animation qui va faire peur aux gens. T'as trois types d'objets dans le jeu. T'as les Freedoms, et on les appelle les Freedoms. Donc t'as ceux qui sont bleus. Ça, c'est des items que tu rentres dedans puis qui ressortent. Puis là, après ça, ils vont se déclencher automatiquement quand les gens vont venir proches. T'as les objets jaunes qui, eux, quand tu rentres dedans, dès que tu en ressors, ça déclenche tout de suite l'animation, la frayeur, si on veut. Et t'as les verts. Puis ça, les verts, c'est eux qui sont les plus fun. C'est eux que tu prends le contrôle littéralement d'un item. Fait que tu sais, des fois, mettons, tu vas avoir un garde-robe. Puis là, tu rentres dedans puis tu vas te transformer, mettons, en crâne qui flotte puis qui garoche des boules de feu. Ça, c'est les plus efficaces parce qu'à toutes les fois que tu l'utilises, évidemment, ça donne la chienne à la famille. Donc, tout ça, il faut que tu utilises ces items-là pour faire quitter la famille de la maison. Puis tu y vas pièce par pièce. Donc, à chaque fois que tu fais peur, les gens, ils sortent de la pièce. Puis là, il faut que tu les poursuives jusqu'à ce qu'ils sortent de la maison. Et ça, il faut que tu le fasses avant que ta barre d'ectoplasme se vide. Donc, ça, c'est vraiment... Le cœur du jeu est là. Donc, tu as la petite barre verte en bas de l'écran qui se vide tranquillement over time. Puis, il faut que tu fasses quitter les gens de la pièce. Parce que toutes les fois que la famille se sauve de la pièce, derrière eux, ils vont laisser de l'ectoplasme. Fait que là, il faut que tu le récoltes comme ça. Fait que dans le fond, tout ton jeu, le cœur, c'est principalement de gérer cette barre-là. Donc, plus tu leur fais peur, plus ils vont en mettre à terre, puis moins ta barre va se vider vite. Sacrément. Mais il faut faire attention, parce que dans la maison, il y a le chien de la famille, que lui est capable de te voir, puis quand il jappe, ça réconforte les gens, ils ont moins peur, mais en plus, ça te fait perdre de l'ectoplasme. Wow. Ah mais là le donc, père là c'est long esti. Ah non, c'est ça, c'est terrorisant. Il faut que tu travailles fort. Hey, à chaque fois qu'il se retourne esti, il y a une affaire dans. Exactement. Puis ça la barre quand elle se vide au complet, à ce moment-là, là tu t'en retournes dans le monde des morts, le underworld, puis là il faut que tu ailles te recharger. Puis ça c'est le bout du jeu qui est un peu différent. Là ça devient vraiment plus un jeu d'action où est-ce qu'il faut que tu évites des obstacles, que tu ramasses des bubbles vertes et tout. Okay. Puis c'est aussi le seul moment dans le jeu où tu peux mourir. Dans ce monde-là, si jamais tu perds toute ton énergie, ben là t'es game over. Donc, il faut faire bien attention. Puis c'est aussi là que tu ramasses des habiletés spéciales. Tu as des habiletés, par exemple, comme tu peux ramasser de la bouffe à chien qui va occuper le chien pendant un moment, faire en sorte que tu ne sois pas. Tu vas avoir un super scare qui va donner peur directement aux membres de la famille et tout. Donc. Mais cette vito-là, dans le fond, c'est ça. Ton but, c'est la vengeance. C'est ça. T'es mort à cause de son objet. Exactement. Fait que là, tu vas terroriser lui et sa famille. Exactement. Fait que t'as quatre membres de la famille. T'as Vito, t'as la mère, t'as le petit gars et la petite fille. La petite fille, c'est elle qui est le plus dur à faire peur, mystérieusement. Puis, mais c'est ça. Fait qu'au final, c'est vraiment un jeu qui est pas nécessairement hyper deep, mais qui est vraiment plus le fun à jouer en gang ou du moins à regarder. Tu sais, la profondeur du gameplay est vraiment, je dirais, assez simple à comprendre. Dès que tu pognes la twist, t'as une stratégie gagnante qui est infaillible. La stratégie gagnante, c'est pas compliqué, là, je vous la donne tout de suite. C'est dès que tu rentres dans une pièce, tu spots le truc vert. Puis là, tu fais peur. Parce que le truc vert, généralement, c'est lui qui fait le plus peur. Puis à toutes les fois que le personnage crie, dans le fond, ça crée de l'ectoplasme que tu peux ramasser après. Puis ton but, c'est que quand il quitte la pièce, c'est qu'il t'en donne une bonne grosse trollée pour pas que t'aies besoin d'en retourner dans l'Underworld. Là, après ça, tu sais, tu possèdes le plus d'affaires, évidemment, bleues dans la pièce pour être sûr de vraiment scary. Puis quand il se sauve, si t'es vraiment wise, t'as le temps de rentrer dans un jaune puis d'en pousser une dernière petite frayeur, justement, avant qu'il quitte, pour qu'il te ponde un autre petit bout d'ectoplasme. Oh. Donc ça, si tu fais ça, habituellement, t'es quand même capable d'avoir assez de confort dans le jeu. Par contre, quand on manque d'ecto, on se retrouve dans l'espèce de monde underworld. Puis là, c'est là que le jeu est vraiment moins bon. Tu sais, là, tu fais des... T'as de la navigation un peu glissante, t'as une nouvelle habilité de jump qui était pas vraiment dans le jeu, puis là il faut que tu sautes, t'évites des affaires, puis c'est vraiment un jump qui est très arqué puis très très long. Donc c'est pas hyper le fun ce bout-là, c'est pas aussi le fun que le reste du truc. Okay. D'ailleurs, on retourne un peu dans ce mode de jeu-là au boss de la fin, sauf que dans le boss de la fin, on rajoute des mécaniques nouvelles aussi dedans. Ce qui est pas une bonne idée dans un boss de fin de jeu, ça. De rajouter des mécaniques que t'as jamais joué quand t'es sur gros nerf de frais. Parce que t'apprennes les nouvelles mécaniques Mais bon, il y a un petit twist qui rend la toute, qui maquille la chose pas mal le fun à la fin du jeu que je vous spoilerai pas. Fait que ça se finit-tu bien, le jeu, là? Ça se finit à peu près en une heure ou deux quand tu sais ce que tu fais. Sinon, au début, tu vas toujours un petit peu gosser, là. OK. Mais tu sais, je te dirais que c'est un jeu qui est le fun à refaire parce que c'est vraiment... Tu sais, les Frightems qui sont le fun à découvrir. Tu sais, toutes les animations et tout, là. Tu sais, il y en a au-dessus de 300 différentes dans le jeu quand même. Fait que tu vas les. Des fois, c'est cute. Des fois, c'est vraiment gory, là. Puis c'est all over the place. Tu sais, t'as une horloge grand-père que tu rentres dedans, puis tu sors, puis là, il y a un grand-père mort qui tombe à terre. T'en as un autre, quand tu rentres dans la toilette, évidemment, il y a un monstre qui sort, puis qui tire des caca. T'as un coffre de voiture que tu rentres dedans, puis là, le coffre ouvre, puis c'est la mère qui est découpée en morceaux dedans. Tu sais, c'est vraiment intense, là. Ah, c'est hot. Mais c'est drôle, tu sais. C'est toujours une surprise, puis c'est toujours fait un peu bon enfant. Mais bon, tu sais, ça reste quand même un ovni de jeu vidéo, on s'en rend. C'est un jeu qui est court, mais bon, qui est rejouable. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de challenge, mais t'sais, c'est quand même plaisant à découvrir. C'est un peu drôle. C'est un jeu pour enfants, mais vraiment pas quand tu regardes. Pas tant, là. Pis, c'est un peu drôle parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'autres jeux qui ressemblaient à ça. Non, c'est ça. Il y en a eu un au Xbox qui est sorti juste en Europe qui s'appelait, je pense, Ghost Manor, une affaire dans le même. Ouais. C'est vraiment une copie de ce jeu-là, mais vraiment moins bonne, puis ça n'a pas pogné pas en tout. Ben, il y a Haunt the House aussi, qui est un jeu de mobile où tu joues un petit fantôme, faut que tu fasses peur aux gens dans la maison, puis c'est de côté. Ah, ben c'est, ça ressemble un peu à ça. Ben, mais... C'est un peu le même principe, mais ça, c'est bien plus hot. Là, ah non, ça, c'est très 90s et tout. Là. Ah ouais. Ben, bref, c'est vraiment une expérience spéciale à découvrir, je dirais, qui n'est pas nécessairement le plus grand jeu de l'année, mais c'est un jeu qu'on apprécie pour son originalité. Et c'est pour ça que je lui accorde la note de 7.5 sur 10. Donc, très bon jeu à essayer, à explorer et tout, mais c'est pas quelque chose qui va nécessairement te garder plus que 2 heures. À avec de la bière et des amis, c'est bien drôle. Ah, j'avoue. C'est parfait. C'est bon, ça. Nice! Hey, je vais embarquer tout de suite sur ma critique. Yes. Moi, je critique ce soir Middle-Earth Shadow of War, qui est un jeu qui est développé par Monolith Productions, publié par Warner Bros. Interactive Entertainment, disponible sur PS4, One et PC. Shadow of War, c'est la suite de Shadow of Mordor, qui était un jeu sorti de nulle part. Puis les gens même qui n'aimaient pas nécessairement Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, et tout ce qui entoure le Seigneur des Anneaux, ont vraiment aimé le jeu. Moi, ça a été mon jeu de l'année, Shadow of Mordor, quand c'est sorti. J'ai vraiment capoté là-dessus. Puis là-dedans, en fait, on suit les événements de Shadow of Mordor. Donc, t'incarnes encore le rôdeur, qui est le personnage principal. Aragorn, de son nom. Non, pas Aragorn. C'est un autre personnage. Non, c'est un wannabe Aragorn. Ouais, il ressemble à Aragorn quand même. Tout le monde ressemble à ça dans Lord of the Rings. Ben là, c'est ouais, que... c'est vrai. T'as raison. Même son pareil. Puis t'es suivi aussi. Il y a un esprit elfique qui fait partie de toi aussi. Son nom, je veux juste être sûr de le bien dire, c'est Celebrimbor. Puis tous les deux, vous forgez un anneau pour combattre Sauron. Mais évidemment... ça chie. Et puis, les choses se passent pas comme prévu. Puis, tu dois monter une armée d'orques pour finir par battre Sauron. Quand tu commences ce jeu-là, tu peux pas réussir à avoir des orques puis les mettre de ton bord. T'es tout seul là-dedans. Mais comme t'as le corps de Celebrimbor, tu peux sauter, courir vite, faire plein d'affaires vite et faire plein d'affaires... godlike, si on peut dire. Fait que si tu sautes de très haut puis tu tombes en bas, ça te fera rien. Il y a une nouveauté là-dedans, tu peux faire un double saut aussi. Donc ça, c'est nouveau puis c'est le fun. Puis tu peux grimper aussi puis tout ça. C'est un jeu qui, à la base, est un peu basé aussi sur Assassin's Creed quand tu le regardes. Ça avait sorti, il y avait plein de gens qui pensaient qu'ils nous avaient volé des animations puis du code. Exact, vraiment... parce que il y a vraiment des grandes ressemblances dans le gameplay. Mais là-dedans, on est un chevalier, on se bat avec une épée. Puis sinon, on a un arc, on a un petit couteau, un petit glaive avec lequel on peut tuer nos ennemis. Puis en fait, là-dedans, ce qui fait la grande particularité de Middle-Earth, des jeux Middle-Earth, c'est le Nemesis System. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est qu'en fait, la terre du milieu est remplie d'orques. Puis ces orques-là ont différents niveaux. Il y a des petits orques, il y a des orques qui sont capitaines, il y a des chefs de guerre, donc... t'as plusieurs rangs qui forment une armée. Puis, si t'en tues un, ça va avoir un impact sur les autres. Comme si tu tues un chef de guerre, ben ceux-là qui sont en dessous vont être promus. Et ainsi de suite. Puis, le Nemesis System fait que si tu tues quelqu'un ou tu le frappes, puis finalement, t'as pas réussi à le battre, ben la prochaine fois que tu vas le voir, il va te rappeler que la dernière fois, tu y avais, admettons, coupé un bras, mais qu'il est revenu, puis qu'il est là pour te sacrer une volée. Il se souvient de toi, il se souvient de ce que tu as fait, il se souvient de la façon que tu l'as battu. Il va aussi apprendre des habiletés puis améliorer, en fait, s'améliorer pour pouvoir te combattre. Comme, admettons, s'il y en a un que tu sautais tout le temps par-dessus pour le frapper dans le dos, ben quand il va revenir, il va faire comme « Wow, minute, ça marchera pas cette fois-là », tu sais. Fait que le jeu s'adapte, en fait, à ton expérience, tu sais. Puis là-dedans, tu peux en maîtrisant avec de la magie, finalement, en mettant ta main sur un orc, tu peux aller tirer des renseignements des autres orcs que t'as pas battus. Puis quand tu vas tirer des renseignements, c'est qu'en fait, tu peux voir c'est quoi ses forces puis c'est quoi ses faiblesses. Donc, il y en a un, admettons, il est vulnérable au poison. L'autre, il est vulnérable au feu. Il y en a un autre qui est... c'est drôle, là. Si t'es en furtivité, tu vas l'avoir, tu sais. Il y en a qui ont peur des chiens. Ça me fait tellement drôle. Ils ont des... Ouais, ben c'est ça, là-dedans, les chiens, c'est... T'as joué toi aussi, Fred? J'ai joué au premier, mais pas encore au deuxième. Ouais, parce que là-dedans, les chiens, c'est les Karagors. J'en avais beaucoup parlé dans Shadow of Mordor. Puis là-dedans, t'as des Karagors, t'as des Krogs, t'as aussi les dragons maintenant. Ouais, c'est ça, c'est la grosse affaire, là. Les dragons, c'est vraiment malade parce que tu peux en chevaucher un, puis c'est fucking badass, chevaucher un dragon. Fait que c'est ça, tu peux... En fait, ce jeu-là te donne vraiment beaucoup de pouvoir assez rapidement pour que t'aies du fun. Dans Shadow of Mordor, j'ai senti que l'ascension était plus longue pour avoir beaucoup de pouvoir. Dans celui-là, direct qu'en partant, t'es quand même déjà assez puissant. Puis battre ces ennemis-là, en fait, ça va être entre autres pour ramasser du meilleur équipement. Tu peux tout le temps améliorer ton personnage. La branche d'amélioration là-dedans, c'est plus deep que dans le premier. Donc, admettons que tu débarres l'habileté, admettons, de geler le monde. Ben, tu peux geler Puis après ça, ça cause une explosion. Tu peux geler. Puis après ça, ça cause une autre affaire. Puis t'as comme ton power-up, puis trois sous-power-up que tu peux changer comme tu veux. Je parlais de Runer au dernier épisode. Ben ça, c'est un peu le même principe que Runer. Si t'es au milieu d'un combat, puis tu t'aperçois que ton ennemi, il a de la misère avec le feu, ben tu peux changer tes habiletés pour avoir plus d'armes de feu, en fait, que de reste. Puis c'est vraiment un jeu qui est incroyable pour le Nemesis System, mais il y a une grande nouveauté, puis c'est de prendre contrôle d'une forteresse. Ouais. Fait que là-dedans, chose qu'on vient de voir. Là. Ouais, c'est chose sûr. Qu'on vient de voir. En fait, non, c'est encore en process. Ouais. Puis c'est ça. Puis c'est en fait, c'est que là-dedans, tu vas au début du jeu, tu peux pas vraiment prendre un orc puis le mettre de ton bord. T'sais, tu peux pas assimiler des orcs puis le dire, tu sais, comme t'sais, ton âme m'appartient. Puis là, l'orc, il est avec toi puis les yeux bleus puis c'est un peu zombie. Puis là, tu peux lui dire en va te battre pour moi puis va mourir pour moi puis va t'aider, tu sais. Fait que tu te bâtis une armée comme ça. Ce qui est le fun, c'est que quand tu vas chercher des orcs, tu peux aussi leur dire « Va infiltrer ce chef de guerre-là. » Puis, une fois qu'il va avoir le dos tourné, mon gars, tue-les. Puis, tu vas te bâtir une armée comme ça avec des crottés. Puis, moi, il m'est arrivé... Je vais parler de la forteresse dans pas long, mais je vais juste parler d'une affaire pour montrer à quel point le Nemesis System, c'est malade. C'est qu'à un moment donné, j'avais recruté un orc. Puis, cet orc-là, il est arrivé... Puis, il m'a trahi. Ah, c'est ça que j'avais demandé. J'avais besoin de lui. Envers toi aussi. J'avais besoin de lui, fait que je l'ai calé parce que je me battais contre deux capitaines. Puis, il était vraiment en train de me sacrer à voler. Fait que là, je le cale. Il s'en vient. Puis là, il arrive pour frapper l'ennemi. Puis non, il me frappe. Moi, là, c'est écrit trahison en dessous. Ah, c'est comme, malade, ça. Tu penses avoir le dessus sur moi, mon crotté. Tabarnone. Puis, t'es pas mon boss. Puis... Fait que c'est vraiment hot, il y a énormément de revirements de situation. J'ai une question du public qui m'est arrivée par messagerie divine. Est-ce qu'on peut jouer un Hobbit? Non. Non, Fanny, on peut pas jouer de Hobbit. Non, okay. Tu peux pas jouer de Hobbit. Puis il n'y a pas de DLC de Sonic non plus. C'est bon. Puis c'est ça, là-dedans, en fait, la forteresse, c'est que tu vas te bâtir ton armée, puis après ça, tu vas prendre une forteresse. Tu vas aller chercher la forteresse avec tes orques. Puis tu vas juste prendre le contrôle. Puis il y a plusieurs forteresses à aller prendre. Je pense qu'il y en a au-dessus d'une vingtaine comme ça. Puis ça va te donner, dans le fond, le contrôle du territoire. Puis aller chercher une forteresse, c'est vraiment difficile. T'as comme plusieurs niveaux. Puis tu peux mourir, genre, quand t'es rendu au dernier niveau. Puis that's all. Mais est-ce qu'en dehors des forteresses, il y a quand même un mode d'exploration puis un monde à découvrir comme avant? Il y a énormément d'exploration. Okay, puis c'est gros. Il y a comme 5 gros continents qui sont énormes. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont variés. Tu sais, des fois, c'est très coloré. Genre, c'est jaune, c'est bleu, c'est vert, c'est magnifique. Un autre, c'est l'hiver complètement. Un autre, c'est plus comme Shadow of Mordor, c'est-à-dire brun-gris, là. La bouette puis du gris partout. T'as quand même le jeu entier. C'est pas juste capturer des forteresses. Ça, c'est le endgame, mais t'as quand même le même jeu qu'avant. Qui était... C'est ça. Mais je dirais que le endgame, ça reste le Nemesis System parce que ça t'en offre tellement. Ouais. Ça change tellement tes expériences. C'est un peu comme... C'est ton core system. Ouais. Puis tu sais, on parle souvent justement de ce qui est le fun du type de jeu qui pogne pas mal. Tu sais, Breath of the Wild a pogné beaucoup à cause que tout le monde avait des expériences différentes. Pis c'est ça qui était le fun. L'affaire que j'ai racontée tantôt, c'était un peu ça. Tu sais, ce qui est arrivé, c'était comme wow, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis aussi, un moment donné, je battais des orques, j'ai réussi. Puis le dernier, il a pété mon épée, le sacrement. Fait que là, j'avais plus mon épée qui était hot. Puis il fallait que j'aille me venger. Mais là, il fallait que j'aille me coucher, moi, là. Puis là, c'était écrit, ben, venge-toi si tu veux avoir ton épée. Comme, fuck! Ouais, là, tu reviens tout le temps. Fait que, tu sais, c'est l'appel de la prochaine game sans arrêt, tu sais, pour aller battre les autres. Puis c'est infini. Puis il y a eu aussi, je veux juste être sûr que j'ai tout. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu une grosse controverse au niveau du loot. Parce que dans ce jeu-là, il y a un marché qui est dans le menu. Puis tu peux aller acheter en fait des coffres de loot, des coffres d'équipement que tu sais pas c'est quoi, juste pour upgrader ton bonhomme puis t'améliorer plus rapidement, puis devenir meilleur plus rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est offert, mais t'es pas obligé de le prendre. Puis je me suis jamais senti forcé de le prendre non plus. J'ai jamais eu aucun moment où j'avais un pop-up qui me disait comme « Hey, hein, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais faire ça, tu sais. » Fait que ça, j'ai trouvé ça bien parce que c'est on te le force pas quand même dans la gorge. Puis je pense que mis à part la communauté du gaming qui ont vraiment suivi ça de près, je pense pas que ça va influencer qui que ce soit à l'acheter. Puis de toute façon, ce loot-là, ce qui est plate, c'est que ça fait avancer le jeu trop vite pour toi, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun là-dedans. Ouais, c'est la progression lente, puis changer tes armes, puis là, faire comme « Oh shit, je viens de pogner une arme divine qui me fait avancer au bout. » C'est plus des packages pour les gens, des fois, qui ont plus de difficultés avec le combat. Des choses comme ça pour être capable de débloquer ou du moins d'avoir... de pouvoir expérimenter l'affaire au complet. Là. Ah ouais. Puis tu sais, je trouve que c'est, ça améliore vraiment le premier jeu. T'sais. C'est sûr qu'on dirait un peu que c'est une suite qui est très près du premier jeu. Mais c'est correct que ça soit comme ça parce que la base était vraiment solide. Puis là, Nemesis System, il est juste fou. Je sais pas comment ils ont fait ça, cet algorithme-là. Puis je sais pas s'il y a d'autres mondes qui vont reprendre cet algorithme-là parce que c'est vraiment génial. Mais c'est ça qui fait la force du jeu. Fait que moi, c'est un jeu que je trouve malade. Puis j'ai eu des petits bugs de texture, des trucs graphiques, mon gars, parce que des fois, c'est trop gros. Puis aussi, j'ai trouvé que l'histoire est vraiment oubliable, puis elle est compliquée. Puis tu finis que tu comprends rien. Fait que tu t'intéresses plus à ce que les orques vont te dire qu'à ce que la vraie histoire va te raconter au final, tu sais. Puis il y a des batailles de boss vraiment épiques, puis des trucs qui sont arrivés dans ce jeu-là que je trouve incroyable, je pourrais parler pendant 30 minutes. Fait que sérieusement, c'est un achat à coup sûr, cette affaire-là. Acheter ça, c'est de la vraie bombe. Ça en donne énormément. Il est pas mal plus long que le premier jeu. Fait que pour toutes ces raisons, je lui donne un 9 sur 10. C'est vraiment écœurant. Ça va être dans mes jeux de l'année une fois de plus. Pognez ça pour la Xbox One X, là. Oui, exact. Ben, tu sais, ce jeu-là, ça a l'air, ouais, c'est ça. Xbox One X puis PS4 Pro, c'est magnifique. Bon. Là, votre chance d'aller capturer Minas Morgul. Ouais. Et voilà. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, on va aller à la pause. Yes. Le syndicat a dit qu'il fallait prendre notre break. Ouais, ouais. Faut prendre un break syndical. Fait que... break refill de excellent Riverbend. Ah, Riverbend. On vous revient après la pause. Pour ne rien manquer de Rétro Nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. On est de retour en tabarnak. Oh, ouais, c'est fini le niaisage. Ah oui. Yes. Hey, ouais, ça, c'est un deuxième segment. Là. Je vais partir ça moi-même. Critique. Avec un jeu très sérieux. Tout à fait sérieux. Je vous parle aujourd'hui du jeu... Oh, je vais juste enlever la transition parce que ça va être bizarre pour le reste. Voilà. South Park, The Fracture Butthole. Ou en français, South Park, l'anal du destin. C'est ça le nom en français. C'est pas genre le... Non, c'est vraiment l'anal du destin. C'est ça qui est marqué dans ma PlayStation 4. Rapport. C'est pas l'anus fracturé. Non, c'est ça. Je pense qu'à la base, ils voulaient que le jeu s'appelle The Bottle of Time, mais les avocats, on voulait pas. Parce que ça fait le jeu. Ah, mais c'est Butthole, OK. Ouais, c'est un beau jeu de mots. C'est un jeu de mots, Butthole. Il est moins subtil en français, le jeu de mots, mettons. Là. Ouais. Développé par Ubisoft San Francisco et publié par Ubisoft, c'est disponible sur PS4, One et PC. Et moi, j'ai joué sur une PS4. Et puis, je vais vous mettre du gameplay pendant que j'en parle, comme ça. Donc, c'est la suite directe de South Park, The Stick of Truth. Il est bien magané, ça, là. C'est Scramble. Oh, shit, OK. Donc, encore, OK, c'est la suite de l'autre. C'est la suite de l'autre. Donc, on va jouer directement. En fait, au début, ça commence, puis c'est un combat de Stick of Truth dans la rue. Ouais. Les enfants jouent encore à Donjons et Dragons un peu. Puis à un moment donné, Cartman va arriver déguisé en The Coon, qui est un genre de raton laveur Wolverine. Vraiment comme c'est comme le Batman de ça. C'est le Batman South de Park, ça. Puis là, il dit qu'est-ce que tu fais en super-héros? Ben là, c'est plate, Donjons et Dragons, on joue super-héros. Fait que l'histoire ça. Part de là, il y a des crimes qui s'augmentent dans la ville de plus en plus, puis les jeunes décident en deux factions différentes. D'aller en fait trouver Civil War style. Civil War style, et puis on cherche un chat avec une rançon de 100$ pour pouvoir partir notre propre franchise de super-héros. C'est tellement malade. Donc c'est pas compliqué ça, c'est comme un film interactif de 20 heures de South Park. Oh. Complètement là. C'est le même moteur que pour Stick of Truth. Donc, ouais, c'est ça, pour ceux-là qui n'ont pas joué au premier. Non, c'est pas le même, parce que le premier, c'était fait par Obsidian, je pense. Ah, c'est peut-être pas le même. Puis ils ont été obligés de le refaire au complet. Okay. Parce que c'est rendu chez Ubi, parce que Ubi a acheté, dans le fond, THQ, puis THQ avait ça dans leur portfolio. Mais c'était développé par un tierce parti qui était Obsidian. Excuse-moi, là, c'est parce qu'on est dans, le UB Knowledge, mais il y avait un beau making-of qui expliquait ça. Mais en fait, le moteur est tellement bien fait que tu vois jamais la différence entre c'est quoi le gameplay, c'est quoi les cinématiques. C'est des cinématiques interactives. C'est aussi laid que South Park. C'est comme... Puis bon, la twist un peu du jeu dans l'histoire, c'est que la ligne est tout le temps mince entre si c'est vraiment un jeu que les enfants font entre eux autres ou si c'est vraiment des crimes qui se passent dans la ville de South Park. Puis t'as comme peut-être deux côtés de la médaille, puis t'es pas sûr, puis ça finit par se mêler, puis il y a bien des affaires weird. Ce qu'on voit sûrement à l'écran, c'est la nouveauté de ce jeu-là. C'est le système de combat qui, cette fois-ci, est fait à un système de stratégie par case, dans le fond. Un peu... Tactique à case, là. Ouais. T'sais. Bon, Mario Rabbids avait fait un peu ça aussi, mais peut-être en plus étendu. Ça, c'est un peu plus restreint. C'est très light, ça. C'est très light. Les combats sont quand même faciles. Ils viennent un peu plus tough plus on avance dans le jeu, ça. Mais ils sont quand même faciles si tu y penses un peu. Il faut que tu mélanges les bons joueurs ensemble. Donc, nous, on va jouer encore une fois un jeune dans la ville de South Park qui vient d'arriver. Donc, on est le new kid avec un genre de backstory un peu douche louche. Douchebag. King of Fart, là. Donc, c'est ça. Nous, on va créer notre propre super-héros et puis c'est de l'humour cru à la South Park. Donc, je vous conseille de pas jouer à ça devant vos enfants. Si vous avez des enfants, c'est vraiment pas 18 ans et moins, ce jeu-là. Non, vraiment pas. C'est très, très mature. Beaucoup de termes, beaucoup d'affaires assez graphiques aussi dans le jeu. Tu te bats contre des strippers à un moment donné. Est-ce que je vais pas spoiler ton review, tu là? Tu te bats contre des strippers. Tu te bats contre... Il y en avait dans Skate or Die Battle Rap. Ouais, mais je vais pas spoiler grand-chose, mais tu sais, des fois, t'as des prêtres un peu weird qui sortent des chapelets du cul, puis c'est comme... Ah, my God. OK, c'est South Park. C'est South Park. Le lore est respecté. La force, c'est quand même les gars South Park qui ont écrit l'histoire du jeu. Fait que c'est sûr que ça aide, ça paraît. Puis la force de South Park, comme dans l'émission, c'est de... Oser. De oser, puis de pas s'enfarger dans la subtilité, parce que c'est très cru dans ta face. Puis des fois, autant ça peut être cru, des fois, ils vont te pogner sur un coin qu'ils vont mettre de quoi te touchant. Puis t'es juste ça, c'est un finger, là. Oh, ouais, ben c'est ça. T'sais. Puis là, t'as des minigames comme ça qu'il faut que t'ailles chier dans toutes les toilettes qui sont dans South Park. Allez chier! Donc, c'est parfait. Ça, c'est des minigames. Faut que tu fasses des. Ah, c'est tough. Faut que tu fasses des actions avec tes bonhommes, avec tes joysticks en même temps. Fait qu'il y a beaucoup de side quests. C'est un RPG, dans le fond, ce jeu-là, dans l'univers de South Park. La ligne est mince, quand même, des fois. La ligne est très mince, là. Quelle ligne! Dans la ligne entre le side quest du main content, parce que c'est tellement narratif, c'est tellement bien écrit. Tout finit par se mêler, ouais, puis c'est très bien écrit, puis même, il y a beaucoup de looting à faire dans le jeu. Le looting va se rapporter après en 3-4 catégories, mais le détail dans le nom des objets que tu ramasses est incroyable, là, parce que ça sert à rien, parce que tu vas le prendre, tu vas lire le nom 2 secondes, disparaît, tu le vois pas après le nom. Mais il y a du temps qui a été mis. Il y a du temps qui a été mis. C'est tous les détails de la série. Tu arrives à côté d'une clinique d'avortement, puis c'est comme, Undead Baby, je sais pas, des affaires comme ça, t'es comme, ben voyons donc les détails qu'il y a là-dessus. Ouais, partout, puis c'est tout des clins d'œil à la série, puis ou au personnage. Comme tu dis, le loot a vraiment la teinte de où est-ce que t'es. C'est extrêmement minutieux. Même le dialogue entre les personnages est fort, même dans les combats. Quand t'as un personnage qui attaque, il va lancer une ligne, puis des fois, t'as un autre personnage qui va relancer un commentaire snarky sur le fait qu'il a fait une telle attaque ou telle attaque. Les personnages se parlent, tu sais. Il y en a un moment qui s'appelle Toolshed, c'est Stan, puis il dit « Hey, mon père m'a laissé emporter ses outils », puis t'as comme... Non, c'est Carmine, il dit « Je peux pas croire que ton père te laisse emporter tes outils », puis l'autre, il répond « Mais toi, t'as même pas de père, de toute façon ». Fait que c'est comme des commentaires comme ça qui se passent, qui font du sens. Puis les... Là, on a vu Jimmy, là, qui est le petit enfant, avec deux béquilles, qui a de la misère à marcher. Puis ça, c'est un des moments cute, c'est que lui, c'est un peu le flash du jeu. C'est ça. C'est lui qui te fait faire le fast travel dans le jeu, mais c'est lui qui doit marcher le moins vite de tout le monde. T'as Timmy qui est en chaise roulante, qui est le Dr. X, un peu, là, qui peut rentrer dans la tête des gens. T'es carré, bon, là-dedans. Ça prend un t-shirt avec ce chat-là. Dans le premier, l'inventaire était fait sur un genre de Facebook. Dans celui-là, c'est un cellulaire qu'on a, et puis il y a plusieurs applications qui vont s'installer au cours du jeu dans notre cellulaire. Dont la plus importante, Coonstagram, qui est genre un spin-off d'Instagram. Puis c'est un peu le système de réputation dans le jeu qui fonctionne avec ça. Donc, faut peut-être prendre des selfies avec tout le monde dans le jeu pour augmenter ton level de réputation. Puis les gens veulent pas nécessairement tout le temps se faire prendre un selfie et dire « Ah, t'es pas assez d'argent ou t'es trop cheap. En est-tu veux les revoir? » Puis là, ben, il y a du backtracking à faire là-dessus pour aller prendre toutes les selfies puis monter en niveau. C'est tellement drôle. On va débloquer des habiletés spéciales un peu tout au long du jeu. J'en parlerai pas parce que ça va être de gâcher un punch. Mais toutes nos habiletés spéciales à nous sont toutes reliées avec des pets. Puis bon, tout ce qui est relié avec des flatulences, ben, je trouve ça sympathique. Ben oui, mais ben ça fait ça fort. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Il y a des puzzles qui sont réalisables avec des amis, donc faut que tu, un peu, tu scannes l'environnement, tu décides, bon, ben, qui j'amène pour venir m'aider, puis tu vas résoudre des puzzles avec plusieurs autres personnages. Bon, là-dedans, tout y passe, là. Les Social Justice Warriors, Jared avec le subway, l'immigration, les Mexicains illégaux, le mur de Trump, Morgan Freeman qui vend des tacos, les rednecks. Puis là, je vous ai dit, genre, le corps de ce que j'ai vu dans ce jeu-là. Attends, vas-tu parler de la fiche de personnage quand il faut que tu choisisses ton sexe? Je pourrais en parler de ça, c'est vrai. Ouais. Au début, il faut que tu choisisses ton sexe. Ah oui, ça, c'est drôle. Mais en fait, t'as à choisir au début du jeu de ton sexe puis ta couleur, puis... plus tu mets ta couleur de peau dans le foncé, plus Carmen il dit ben il s'affectera pas ton combat mais ça va affecter tout le reste de ta vie. Fait que si t'es noir, le monde t'envoie chier puis les genre t'as moins de loot puis t'as comme des commentaires vraiment de merde. C'est une méga critique. Puis à un moment donné, faut que t'ailles voir le gars avec la grosse tête, le counselor, Monsieur Mackey. Puis il dit ok, on va déterminer t'es quel sexe, c'est quoi ton genre, t'es-tu un transgenre ou t'es un cisgenre? Puis un cisgender, c'est comme une personne qui a son sexe d'origine. Fait que là, moi, je dis, ok, ben, je vais prendre cisgender, je suis pas un transgenre. Tu sors de l'école, t'as des rednecks qui arrivent, ils sont comme, regardez, le petit gars, c'est un cisgender, on lui pète la gueule. Ouais, c'est ça. T'es comme juste normal, tu sais. Fait que, ben, il te pète la gueule parce que t'as une étiquette sur toi. Fait que des critiques de ce système, il y en a. Mur à mur dans ce jeu-là. Quand tu sors de l'école, ça, tu sais, parce que je voyais que justement, tu peux le faire avec le... Tu sais, si tu fais le other, puis là, t'es comme, ah, t'as pas d'identité sexuelle, là, tu sors, puis évidemment, si tu fais écœurer, puis là, tu dis, ok, ouais, ils vont se moquer, ces gens-là. Mais dans le fond, quand tu le fais avec le cisgenre traditionnel, ben là, c'est comme, t'es cœur pareil. Ah, c'est ça. Tout le monde y passe, c'est tellement drôle. Tu sais, cheater dans le jeu, de bypasser des bouts. Ouais, au début, parce que, il y a des places où tu mets des mots de passe, puis il y avait un mot de passe que j'avais guessé parce que j'écoute la série, puis là, ils m'ont dit, hey, t'essaies-tu de cheater, nanana, puis comme il t'engueule un peu, puis t'arrives vraiment à trouver les papiers, puis les affaires que t'as à faire pour avancer. Fait que ça, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup, beaucoup de caméos de personnages de South Park, de l'histoire, là. Tu peux trouver Mr. Hanky, le Père Noël, Jésus est là à un moment donné. Tout le monde est là ou à peu près. Tu sais. Ça monte avec les macaronis. Ah, ça, c'est incroyable. C'est en tout cas, ça, c'est d'autres affaires. C'est ça, faut pas spoiler. Fait que tu craftes bien des affaires qui vont t'aider dans le combat pour des power-ups un peu, dans le fond. Ubisoft ont été assez gentils pour m'envoyer le Season Pass puis le DLC. Le DLC de Tower Lee, qui est Servietsky, la petite serviette qui est tout le temps défoncée dans l'émission. C'est un DLC qui vaut 2$, puis c'est un genre de guide pour t'aider. Il pop dans l'écran, puis il va te dire « Ah, tu devrais peut-être faire telle affaire, puis tu sais, il est bien straight. » Dans le jeu, à un moment donné, tu le rencontres, puis bon, Towel Lee, c'est un fumeur de pot, c'est une serviette qui fume du pot, fait qu'on est devient gelé. Puis à partir de ce point-là, ton DLC ne sert plus à rien. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il pop, puis il dit des niaiseries. « Hey, fallait que je me rappelle plus, je vais revenir. » Puis il s'en va, il pop. Il dit « Hey, savais-tu que l'urine était utilisée dans la culture de marijuana? » Puis il redescend, fait que... Au début, j'étais comme, ok, le DLC, peut-être pour le monde, tu sais, qui connaissent moins les RPG. Wow, mais ça vient prendre une tournure complètement débile par-dessus. Je pense qu'il est gratuit quand tu commandes le jeu. C'est juste peut-être, que c'est peut-être. Un code wow. que tu. C'est un one use code. C'est un one use code, mais c'est vraiment drôle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, là. C'est tellement innocent. Ah, et aussi, c'est important de souligner qu'il y a une démo du jeu qui te permet de jouer, je pense, une heure. Une heure, et te permet de sauvegarder ta progression, puis d'acheter le jeu, puis de continuer ta game où ce que tu es. Ouais. Ubisoft ont dévoilé ça aujourd'hui, c'est cool, une bonne initiative. Pour PS4, PC, Xbox One X. Exact. Puis c'est un jeu, dans le fond, qui va durer à peu près une vingtaine d'heures à terminer l'histoire au complet. Puis si on fait les side quests, à peu près 25 heures, je dirais. J'ai fait beaucoup des side quests en le faisant, puis une fois que le jeu est fini, de faire les side quests, il n'y a pas vraiment de reward, par exemple, de continuer. Ok. T'es fait pour avoir les trophées, puis pour avoir un peu tout, mais t'as pas tant d'intérêt à le faire parce que, bon, l'histoire est finie, les jeunes sont plus là, c'est juste toi avec le reste des adultes. Les adultes dans la rue, quand tu passes, te font des commentaires tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment bien. T'as deux attaques que tu peux faire général pour garocher sur le monde, pour pogner l'avantage dans un combat avant de commencer. Tu peux lancer des pétards à mèche ou prendre ton pet et lancer ton pet dans la face du monde. Fait que ça, c'est toujours plaisant. Fait que ouais, écoutez, je vous dis, c'est comme un jeu de South Park. Faut aimer South Park pour jouer à ça. Je pense que si on aime pas South Park, essayez même pas, vous aurez aucun intérêt. Ma blonde m'a vu jouer à plusieurs reprises avec un air de dégoût dans sa face, fait que c'est la preuve que c'est un succès, ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, je suis un grand fan de South Park, puis j'ai ri fort dans mon salon tout seul, puis ça m'arrive pas souvent là, de passer à rire, puis de pas être capable, puis d'avoir même moi des fois une limite que j'étais comme... Je me sens mal en ce moment de cette minigame-là. Ah ouais. Je dirais pas ouais, c'est quoi, là, c'est mais... C'est tellement drôle. T'es allé dans le club de danseurs? Ouais, ouais, okay, ouais. Toi, tu sais quoi c'est, je parle? C'est juste, tu rentres là, puis cette bout-là, j'ai joué justement avec ma blonde, puis t'es comme... Ah, c'est pas ce que... Il me semble que South Park, c'était plus smooth dans le temps. Ah non, non, c'est vraiment... Ah ben là, vraiment. On est combien d'années plus tard? Ah non, c'est 20 ans. Ça finit plus comment est-ce qu'il faut qu'il soit hard, là. C'est 20 ans plus tard, là. Puis bon, vous pouvez essayer de vous battre contre Morgan Freeman qui vend les tacos ici. Il est level 9999, donc vous essayez pas ça au début. Mais bon, non, c'est un excellent jeu, comme je disais. C'est comme vraiment un gros épisode interactif de South Park. Fait que si vous aimez la série, vous allez adorer le jeu. C'est une excellente suite à Stick of Truth. Mm. Donc, pour toutes ces raisons, je lui donne une note de 8.5 sur 10. Ah ouais? Nice. J'ai sûr que vraiment... t'allais donner un 10 ou un 9.5. Ben, c'est parce que c'est tellement... Il faut vraiment que t'aimes la série. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a pas... Y a pas c'est t'as pas de replay value, puis c'est vraiment un gros fan de la série. Puis non, j'attends de voir le Season Pass. J'étais un peu déçu qu'on puisse pas aller au Canada dans le jeu, par contre. Ah ouais. Le premier jeu, c'était le bout le plus hot. Quand tu vas au Canada, c'est comme en pixel art 8 bits, comme arriéré. Tu peux encore y aller. Il est encore là dans la map, mais quand tu arrives, il y a un gros mur devant le Canada. Oh, le bonhomme est assis en haut et il dit « Hey, il dit, c'est plate que tu puisses pas rentrer au Canada. Il y en a bien du fun. » Qu'on va faire un DLC à un moment donné, tu reviendras. Ils ont comme coupé ce bout-là, mais ils ont dit ah, peut-être un DLC qui va arriver. Mais c'est quand même bien qu'il ait pas peut-être refait le Canada parce que ça aurait été de la répétition, peut-être. Puis j'ai l'impression qu'ils sont allés ailleurs de ce qu'ils ont fait dans le premier. Non, non, c'est vraiment différent du premier quand même. Je me demandais justement si le premier, parce qu'à un moment donné, il avait annoncé ça, que le premier serait disponible. Il vient avec. Ouais. Okay. Oh, dans le premier, moi, j'ai acheté la copie physique. Oui. Puis ça vient avec un code pour le Stick of Truth, mais version PS4 ou version Xbox One. Nice. Fait que moi, je l'ai refilé à mon beau petit Joe. Sais-tu parce qu'il avait jamais joué. Sais-tu s'il est en vente comme. J'imagine qu'il est maintenant en vente, mais je l'ai pas vu en copie physique. Fait que j'imagine qu'il est en téléchargement. Ouais, c'est ça, en téléchargement. J'avais joué sur Xbox à l'époque. J'avais acheté en Collector Edition pour voir la figurine de Cartman. Dans le chat, on dit que Obsidian ont fait Fallout 3 après avoir fait South Park, donc c'est pour ça qu'il a fallu refaire le moteur. Yep. Ah. Voilà. Good. Donc maintenant, on est rendu à l'or gris, les gars. Ouais. Ben oui, l'or gris. Écoute, moi de mon côté cette semaine, on va prendre l'image parce que on l'aime tellement cette image. Il n'y a pas la face à Dom à chaque fois. Les cassettes, écoute. Mais bref, moi cette semaine, c'est Dom qui devrait être en avant-plan parce que moi de mon côté, il n'y a pas eu grand-chose. En fait, je me permets une petite parenthèse que je vais ouvrir maintenant et fermer vraiment plus tard. Qui est, en fait, j'ai dégainillé mon setup de rétro gaming en passant tout ça au RGB. Donc, faire une histoire courte, au début de l'année, je suis tombé sur un moniteur télévision professionnel qu'on utilisait dans les studios pour faire du montage. Mais absolument, ces moniteurs-là, c'est tout petit. Mais celui-là que j'ai pogné était 20 pouces, fait que c'est un bon format et tout. C'est très grand pour ce type c'est de moniteur. Exactement. C'est des moniteurs c'est très convoités par les joueurs ça de rétro. Très cher, ça coûte très cher. Donc, mais vous pouvez en pogner un des fois out of nowhere. Exactement. Que quelqu'un veut se débarrasser. Mais ceux qui savent, ils vont te vendre ça 500$. Là. Exactement, parce que ça vaut cher et c'est pas chippant. Puis là, tu sais, ces moniteurs-là, ce qu'il y a, c'est que les couleurs sont pures. Mais ça prend quand même une connexion qui est bonne. Donc, il y a une connexion en RGB avec via un field skirt, etc. C'est vraiment du gossage, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, ceux qui nous écoutent en vidéo, ça, c'est vraiment un moniteur de télé CRT. Là. C'est pas une télé HD. Donc, on voit qu'il n'y a pas de couleur qui bave, il n'y a pas de crisp tout. Au bout, c'est hyper parfait. Crisp. C'est vraiment le plus t'as beau signal que tu peux avoir. C'est le meilleur setup que tu peux avoir. Donc, j'ai acheté ça au début de l'année. Puis là, bon, j'avais des petits problèmes à connecter ça et tout. Et je voulais avoir la NES Cadillac qui était la top loader modifiée justement en RGB parce que la Nintendo... Contrairement à certaines consoles, c'est pas natif RGB, donc il faut la modifier. Donc là, je suis allé voir l'ami Francis. Francis, qui est notre go-to guy pour tous ces genres de modifications-là. Ouais, on a découvert ce gars-là dernièrement. Ah oui, c'est... On lui envoie toutes nos affaires, man. Ce gars-là, il travaille bien. Il a pimpé mon Coleco, mon PS2. Ah ouais, il a tout. Là. Mon léger Vision entre ses mains présentement. Il a réparé mon cart de Zelda. Il a rien qui fait ça. Ah, mais il a réparé aussi plein de mes affaires. Fait que bref, Francis nous a... m'a fixé finalement mon problème que j'avais avec mes autres consoles pour que tout marche. Donc, m'a pimpé mon NES Top Loader que j'avais réussi à attraper. Donc là, maintenant, tout ce que j'ai chez nous est en RGB. Même que j'avais rattrapé une GameCube cet été, une version pâle. Puis là, j'étais comme... J'ai payé ça 10$ dans une vente de garage. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je crisse avec ça? Puis là, finalement, il me dit, ben ça, c'est RGB natif, le pâle. Fait qu'amène-moi ça ici, puis je vais te modder ça. Je vais te donner une carte, tu vas pouvoir booter... le GBA player en vraiment crisp, la meilleure qualité possible et tout, natif. Là, j'étais comme, OK. Ah. Donc, bref, ce gars-là me crie des besoins et tout. Ah, donc, c'est pas moi, mal n'importe quoi. Je me tiens loin de ça pour l'instant. J'ai pas j'ai mais pas là, tout va être modé RGB. Ah, tout va être gros top notch. Érection tout de suite en rentrant. Exactement. Chez vous, en descendant les marches. Chaque marche que tu descends, ton pénis il lève un petit peu plus. Un petit peu. Jusqu'à comme, je dirais au nombre de marches. La glorieuse érection rendue en bas. Mais bref. Oui, il y a une petite poignée au-dessus de ces téléviseurs-là. Oui, oui. Si jamais. Tu peux te tenir avec ça. Mais bref, on va essayer de faire amener un spécial plus en détail avec ça. Peut-être même le recevoir ou quelqu'un qui voudrait venir nous parler un peu de ça. Comme je disais à Jeff, on va aller direct chez eux parce que chez eux, il n'y a pas de place à s'asseoir parce qu'il y a un condo dans un demi-sous-sol. Oh, il y a du stock à grandeur. Table de cuisine, son lit, man, il y a du stock partout. C'est pas des jokes, là. Faut s'asseoir la caverne par terre. D'Alibaba. Il y a du stock là-dedans. C'est un gros spécial de rétro. Donc, là, console, on pourrait le faire là, parce que c'est quand même intéressant pour les gens qui s'intéressent au rétro. Les signaux, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde encore qui mélange genre composite puis component. Ah, ben, c'est crissement pas la même affaire. Ouais. RCA, non, y a pas RF, ça, là, c'est quoi tout ça? Normal. Ça joue-tu mieux sur une CRT? Moi, chez nous, j'ai une télé HD gigantesque. Qu'est-ce que ça me prend pour jouer Nintendo? Ouais, donc, ça répondra à toutes tes questions. On va le faire, on va le faire. On le fait. On le fait. Pis toi, Dom? Écoute, moi, pas grand-chose, mais j'ai fait un échange avec un gars. J'avais fait un post sur ma page Papa Cassette de ma collection de Castlevania, la section Castlevania. Ouais. J'avais nommé, dans ce qui me manquait, Symphony of the Night, version Sega Saturn. Puis il y a un gars qui a vu ça, puis il m'a dit, écoute, moi, je l'ai, je cherche des jeux suivants, dadadadada. Je les avais pas, mais j'avais un Mega Man 1. Puis il voulait un Mega Man 1. On le voit en clean ici, là. Ouais, on le voit ici, exactement. Donc, j'ai échangé ça. J'ai reçu ça en échange de Mega Man 1 plus 70$. Donc, on s'entend à peu près 150$ pour ce Castlevania-là. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que Symphony of the Night a existé au Saturn parce qu'il est juste sorti au Japon. Et puis, puis ici, en Amérique du Nord, on a eu au PlayStation 1. Ouais. Donc, c'est le grand classique qu'on connaît. Alors, je suis très content de l'avoir. Et puis, pour nommer les différences, parce qu'il y en a, je suis allé sur le site de Brian Lajoie, Québec Gamers, qui est le site genre qui m'a tellement garoché dans le rétro quand j'ai découvert. Un site rétro en plus, c'est un site qui existe depuis très longtemps. Ah, c'est ça. C'est cœur, hein. Mais ce site-là, man, il est plein d'informations, il est super bon, mais je pense plus qu'il tient bien à jour, ça fait tellement longtemps. Mais ça, là, un site de même, c'était comme. Moi, là, je rêvais là, d'avoir un. C'est l'équivalent de Hardcore Gaming 101, mais avec Brian. Dedans. Exact, exact. C'est vraiment bon. Good job, Brian. Fait qu'il a joué les deux, puis il a fait les plus et les contres de chacun. Alors, je vais faire ça rapidement. Donc, les plus de la version Saturn, quand tu as terminé le château normal, Alucard, il obtient des bottes qui lui permettent de courir. C'est une relique qu'il n'y a pas au PS1. Ouais, donc, c'est le fun de pouvoir marcher plus vite des fois, surtout quand tu sais où tu t'en vas. Maria est jouable. Elle n'est pas jouable au PS1. Richter et Maria sont jouables directement au départ. Quand tu pars le jeu, tu choisis entre Alucard, Maria ou Richter. Ben, bien sûr, Maria et Richter sont un peu c'est comme... un peu de la merde. Pas vraiment conçus pour ce jeu-là, fait que c'est pas super plaisant. Ouais. Mais c'est là. Il y a deux familiars de plus. Donc, il y a un petit bébite qui te suit. Il y en a deux, mais ils sont pas très originaux. Il y a deux nouvelles sections dans le château, le Cursed Prison et puis le Underground Garden. Mais j'ai écouté aussi Game Shack. C'est excellent, ce sur le rétro, c'est sur YouTube. Et puis, eux aussi, ils faisaient genre des pistes pour version des jeux. Puis, ils ont couvert Castlevania, les deux Castlevania. Ouais. Puis, ils ont dit que ces sections-là sont là. C'est le fun. Mais ils clashent là, avec le restant du jeu. Ils sont cheap. Visuellement, ils sont pas belles. C'est très moyen et très oubliable. Il y a des ennemis de plus. Et puis, un boss de plus. Et puis, il y a quelques items mineurs de plus. Les moins, il y a beaucoup, beaucoup de ralentissements. Ça tue le jeu bien raide. Il y a des ralentissements. Tu sais, comme quand tu passes d'une zone à l'autre, Alucard, il traverse l'écran dans un corridor. Ouais. Ça sert de loading dans le PS1. Mais au Saturn, ça load pas pendant ce temps-là. C'est juste comme ça sert à rien. Fait que c'est ça que ça fait. C'est vraiment de la merde. Et puis, donc, il y en a ça entre chaque niveau. Et puis, bon, il y en a une aussi avant d'aller dans le menu. Puis Dieu sait que dans le jeu-là, tu vas dans le menu souvent. Ouais, la map, pour... là. Ouais, c'est ça, pour ajuster les systèmes tout. Puis au PS1, la map, tu payes sur Select, je pense, puis elle pop dans l'écran tout de suite. Mais là-dedans, il faut que tu ailles dans le menu, que tu choisisses map, puis tu ailles dans map, puis tout ça load. Fait que loader la map, c'est fucking long. Puis dans ce jeu-là, faut que tu consultes ta map tout le temps. Là, parce que c'est un Metroidvania très chargé, tu sais. Fait que ça tue l'expérience bien. Ça, c'est vraiment de la merde. Il y a des effets graphiques inexistants compte tenu de la puissance de la console, dans le fond. Il n'y a pas d'effet de transparence pour la cape d'Alucard, là, comme il y avait. Ouais, c'est ça. Et puis, le loup, ça, c'est juste Brian qui l'a noté, ça, j'étais quand même épaté. Le loup ne nage pas. Quand tu te transformes en loup, tu peux nager dans ce rêve de night, mais là, tu peux pas. Donc, les plus d'un PS1, il n'y a pas de séquence de load, il y a pas mal moins de ralentissement, la transparence, tout est là. Il y a des cartes, bon, tout ça, dans le fond, le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les moins, Alucard ne peut pas courir, Maria, pas disponible. On peut pas jouer à Richter au départ. Et bon, il n'y a pas les sections. Bon, dans le fond, c'est le contraire. C'est ça. Tout ce qu'il y avait j'ai de plus sur Saturn n'est pas sur PlayStation. J'avais pas lu la deuxième section. Fait que c'est ça, dans le fond. Puis moi, j'ai joué vite. Puis effectivement, visuellement, c'est comme plus clunky à des places. Puis il n'y a pas d'opacité. Des fois, il y en a. Il y a comme des crânes transparents. Ça aussi, je l'ai vu dans GameStack. Ils n'ont pas besoin de light. Ils sont beaux. Okay. Opaque au PS1. Puis au Saturn, c'est comme transparent. LED, tu sais. Donc, c'est pas... La Saturn est une excellente machine pour faire du 2D. Puis peut-être que c'est mal crisp c'est visuellement, mal utilisé, mais c'est mal utilisé à ce niveau-là. Fait que ça a été comme un peu botché. Puis Game Shack disent aussi que c'est une branche un peu de marbre de Konami qui s'est chargé de pas faire pas le top ça. Dog de Konami. Non, non, c'est ça, c'est ça. Fait que ça a été botché un peu puis tout ça. Ça demeure un excellent jeu, tu sais. Ouais. Je veux dire, si t'as jamais joué puis t'as ça entre les mains, tu vas avoir du plaisir. Mais la version PS1 est beaucoup plus facile et accessible de jouer. Mais... il n'y a pas aussi des croix qui brûlent là-dedans dans la version japonaise qui n'est pas dans la version US? Ah, il y a une couple d'affaires de même. Il y a toujours des croix qui brûlent dans Castlevania qui sont pas dans la version US. Quand il attaque, il y a comme des flashs là, transparents qu'il n'y a pas dans l'autre. Il y a quelques places que c'est comme « Oh, wow, OK, ils auraient donc dû mettre ça partout. » Puis au PS1, c'est un peu plus « blurry » là, tu sais. Ou non existant, mais c'est trop petit comme détail versus toute la marque que tu manges avec les ralentissements. T'sais. Donc voilà, c'est un item de collection, moi je dirais, qui c'est beaucoup plus cher Saturn que PS1, même si PS1 est rendu quand même pas mal cher, non? $100 c'est ça. Non, ben. On parle d'un PS1 $100, Saturn $150 à $200 en import. Pour un import, c'est cher. C'est vraiment un thème de collection, dans le fond. Fait que bien content de l'avoir, mais je jouerai pas. T'sais. Quand je vais vouloir jouer, je vais jouer à version PS. Je jouerai pas. Non, mais je l'ai essayé. C'est beau, c'est la tablette. Puis sérieux, ben c'est un jeu de tablette. Quand t'as les deux, tu joues à l'autre. C'est juste le loading de la map. Ça tue la game. Soit c'est instantané au PS1, ou c'est genre 5 secondes. Il n'y a rien qui explique que tu dois loader une map, il me semble. Ben, c'est pas compliqué, c'est l'optimisation de la mémoire. Là. Habituellement, la map au PS1 est toujours loadée en mémoire, mais pas au Saturn. Ouais. Pourtant, il y a plus de RAM avec le RAM pack que tu veux rajouter, il me semble. Ben, c'est ça, c'est une machine plus puissante, il me semble. C'est bizarre. Ah, en tout cas. C'était mon acquisition intéressante. Pas pire de pick. Bon pick. Cool. Alright. Voilà, on est rendu où là? Il me reste une critique et puis on va avoir un petit quiz. Quiz spécial Halloween. Critique d'un jeu fort intéressant qui je pense va intéresser tout le monde ici à soir. Ça s'appelle Hub. C'est développé par Runic Games, ceux qui font Torchlight. Publié aussi par Runic Games, c'est disponible sur PS4 et PC. Et dans Hub, on incarne un petit bonhomme qui ressemble à un espèce de petit lutin, je sais pas trop quoi, qui a une épée. Puis au départ, il arrive dans un environnement, il y a pas de voix, il y a pas de texte, il y a rien. T'arrives, t'es dans une espèce de forêt enchanteresse. C'est un peu comme Journey finalement. Ouais, ouais, sauf que c'est beaucoup plus. Sauf que t'as une épée, est-ce que je peux action, voir. Action, platforming, tout le kit que Journey. Puis c'est ça, t'arrives dans cette forêt là justement qui est très beau. Belle. Puis il y a une espèce de, il y a une espèce de d'infectation. Infection. Ouais, infection. Infestation. Infestation et infectation. Non, mais c'est ça, il y a quelque chose qui va pas, qui tourne pas rond, puis tu finis par toucher à ça, puis ça donne une infection, puis t'as une espèce de bonhomme comme ça, l'espèce de, de, de robot un ciment ou je sais pas trop. Pour, un golem, mettons. Ouais, un golem, mettons, qui coupe ton bras puis qui te met son bras. Il te donne son bras. Donc, ce bras-là, ça devient comme une espèce de point ultra puissant à la Hellboy. Puis, tu as une épée à droite et un point super puissant à gauche. C'est un jeu de puzzle et de platforming. Je dirais que ce jeu-là, c'est un mix parfait entre Link to the Past et Ico. Ah. C'est vraiment comme le meilleur de ce chose, que c'est. Mais c'est vraiment ça. C'est le meilleur de ce que ces deux jeux-là ont à offrir. Puis c'est ça, tu sais. En fait, c'est que tu te promènes, puis on te donne aucun indice. On dit rien là-dedans. On dit absolument rien. La musique, le son, c'est très, très subtil, tout ça. C'est très ambiant. Puis, ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que, bon, il y a du combat. Le combat est très léger là-dedans. Tu vas retrouver des ennemis, mais tu n'en retrouves pas tant que ça. Puis, quand ça va arriver, tu sais, t'as ton coup d'épée. Tu peux avoir un bouclier. Tu peux avoir une évasion. Puis, sinon, c'est des puzzles. Puis, comme on voit présentement, les puzzles, en fait, ce qui arrive, c'est que tu vas débarrer des parties du niveau. Fait que disons ton niveau est complètement à plat. Là, tu vas débarrer quelque chose qui va faire que tu vas avoir un énorme tour qui va se lever du sol. Puis tu vas voir le niveau comme se transformer devant toi. Puis tu as une carte pour t'aider à savoir où est-ce qu'il faut que tu ailles pour la prochaine chose à débarrer. Il y a vraiment dans ce jeu-là des explications puis des puzzles qui sont faites de façon intelligente pour pas que tu aies jamais à te poser trop de questions puis à vraiment être complètement submergé par ce jeu-là puis par cette ambiance-là. Ce qui te sort un peu de ton immersion, malheureusement, c'est des gros problèmes de framerate certains moments. C'est vraiment dommage. Mais j'ai parlé aux développeurs puis ils travaillent sans relâche à régler ce problème-là. Mais mis à part ça, c'est un jeu, moi, auquel je trouve aucun problème vraiment. C'est vraiment un très bon jeu. Peut-être que le début est un petit peu trop lent puis que c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Quand le jeu a commencé, je savais pas pantoute quoi faire, où aller, puis il a fallu que j'explore tout ça. Mais c'est un jeu qui favorise quand même l'exploration puis qui favorise la découverte. C'était juste logique aussi que j'aille à chercher beaucoup plus pour savoir ce que j'allais à faire. Fait que c'est ça, tu sais, visuellement impeccable, musique impeccable, le combat est le fun, le platforming est le fun, le puzzle est le fun. C'est vraiment un très très bon jeu. S'ils peuvent régler ces problèmes de framerate-là, sérieusement, ce jeu-là va devenir un hidden gem incomparable. Bien, ils ont vraiment créé quelque chose de spécial. C'est 20$. Puis c'est vraiment... c'est un jeu qui est quand même assez long. Je dirais que ça va te prendre peut-être une dizaine d'heures à terminer. Non, considérant le genre de ça. Jeu, sérieusement, c'est pas mal. Fait que c'est ça. Puis tu sais, tu vas débarrer aussi, c'est ça, certaines habiletés pour ton personnage. Fait que tu sais, le personnage, il y a quand même un upgrade qui existe là-dedans. Puis les bestioles qu'on retrouve partout dans le monde sont vraiment magnifiques. C'est vraiment, vraiment un bon jeu, une belle surprise. Fait que pour toutes ces raisons, je lui donne un 8.5 sur 10. Nice, nice. Ça a vraiment l'air bien. C'est super ça, bon. Hein, c'est vraiment bon. Puis... toi, Dom, qui a pas les machines pour rouler ça, je pense que... Ben non. Ben, non, mais je pense qu'ils vont travailler sur une... Si c'est pas déjà fait, travailler sur une version Mac. OK. Mais ton Mac est tellement fort que tu pourrais juste mettre un Windows dans ton Mac. Aussi. Puis ça serait fait. Je trouve ça a l'air compliqué. Je pourrais te le faire, puis ça serait bien simple. Faudrait pour que c'est fait. Chez nous, faire bien puis... des affaires. Ouais, les combats quotidiens. Il paye les retours pour qu'il vienne. J'ai des problèmes de email aussi. Ah, les combats quotidiens. Faudrait que je t'engage pour genre une heure ou deux, là. Ouais. Que je t'assoie devant mon ordi. Mets-moi de la bière, puis laisse faire l'engagement. Ah non, je vais s'organiser. Mais j'ai besoin d'un technicien pour me sortir de quelques mardes dans lesquelles je baigne présentement. J'ai pas dit dans South Park, mais il y a une affaire vraiment drôle. Quand tu te bats en combat dans la rue, des fois, c'est comme « Oh, tout le monde, il y a une auto! » Puis là, les enfants se reculent, l'auto passe, le conducteur t'envoie chier. Ah ouais. Le combat recommence. Kids, get off the street, damn it! Wow! Okay, hey, on est rendu au dernier segment. Ouais, faut que je mette la musique pour ça. Au ça, dernier segment, et je vous ai préparé quelque chose de spécial à soir, les gars. Ah, en fait, je veux tester vos coquin. Skills. On va mettre le jingle du quiz. Oui. Donc, ce ça, soir, quand contrairement... Quand la dame est là, en loop infini, on va mourir de patience. Contrairement à d'habitude, je pose des questions, je vous donne des choix de réponse. Ce soir, pas de choix de réponse. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire jouer des sons, un à la fois. Et chacun de ces sons-là, c'est la mort d'un personnage dans un jeu vidéo. Le personnage principal ou un ennemi? Le personnage principal. OK. C'est bon. Ça arrive souvent. Et puis, chacun de ces jeux-là, c'est des jeux auxquels vous avez joué. Vous les connaissez tous, ces jeux-là. Ah ouais. Plug ton sel dans je ton vous assure que vous les connaissez tous. OK. Puis vite de même, c'est-tu le premier qui répond la bonne réponse qui a le point? Oui, exactement. Okay. C'est une affaire de Mario, rapidité. Calice, c'est stressant. OK? C'est très, très stressant. Fait que je commence ça avec un facile. Et on écoute. Je crois qu'il n'y aura pas de pub avant. Qu'est-ce? Ouais. Toujours facile. Ça, c'est pas Chun-Li dans Street Fighter. Bravo! Yeah! Ciboire, OK. Ben, ça fait pas... C'est pas comme un effet de résonance. Aussi, mais ça, c'est le son avant que la résonance vienne. L'important de Dominique, c'est que j'ai la bonne réponse. Ah, c'est ça. Toi, t'es là pour ça. OK. Je suis là pour gagner. Fred is back. Fred is back. Ouais, prochain tour, je suis comme... Je m'en fâche. OK, Fred, un point. Je suis comme partir un Welly en basic qui va mal finir. Là. Deuxième. On écoute. Ah, c'est Jungle Hunt. Ouais. Pitfall. Ah, Pitfall. Ouais, bon. Bon. C'est ça. OK, troisième. Même mon point. Un petit peu plus obscur, celui-là. I can't lose! Ah, c'est dans quoi? J'ai joué à ça il n'y a pas longtemps. Vous avez tous joué à ça, mais c'est un petit peu plus obscur. Ça, ma vie. Bon. I can't lose. Ça, c'est du Midway, en tout cas. C'est, I can't lose. C'est pas Smash TV? Non. C'est la même voix que l'annonceur dans Smash TV, là, mais... On donne sa langue au chat. C'est un jeu d'arcade. Je vais vous donner des indices, OK? C'est un jeu d'arcade. Tu dois répondre encore, ben... Oh, oui, t'as le droit. Vas-y, il n'y a personne qui a répondu. Je sais pas. Arcade... Sinon, il y avait dans Sunset Riders qu'il y avait pas mal de bonhommes qui parlaient, mais il dit pas ce bout-là. Super-héros? I can't lose! Ah, c'est Captain America dans Marvel vs. Capcom. Exact. Wow. Non, c'est dans un X-Men. Autre. Marvel Super Heroes. I can't lose! Captain America and the Avengers. Ben oui. OK. J'avais eu ça. On va pas le compter, mettons, celui-là. Parce qu'il un autre, là, celui-là, comment... Non, il est pas facile. Ah? Ouais, merci. Ah. Dom 5 du nez, là. Non, c'est une affaire au Genesis, là, mais. Ça me fait penser à Sonic, là, tu sais, mais. Ça sonne comme Sonic, mais c'est pas. Q-Bird, non? C'est pas ça le son. Attends un peu. Hey, c'est pas facile pour elle. Donnez-nous une réponse. Tu dans le chat, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Le monde sort un peu en retard sur nous autres, fait qu'ils sont prêts à nous aider. Hey, donnez une réponse, les gars. Ben, j'ai dit Sonic, mais. C'est Sonic. Ben, tu m'as pas dit que c'est Sonic. T'as pas donné ta réponse, t'as dit ça a l'air de Sonic. Hey, on n'est pas à Who Wants to Be a Millionaire, ça. Donne un point. Is that your final? Hey, moi j'avais deux points en passant. Ouais, t'avais deux. T'avais okay, deux. Ouais, il aurait fallu que je dise Is that your final answer? Et un autre. Qui? Je donnerai pas l'indice. Je vais vous donner l'indice après. Ah, ben oui, attends, c'est. On en a parlé ce soir. Super Golden Ghost. Super Ghost and Ghost. C'est au Super NES, le son, c'est... Ah ouais, c'est trop profond, hein. Le score final, Fred 3, Dom 1, moi 0. Ah, c'est terminé? je peux vous donner deux bonus, si vous voulez. J'ai celle-là, ici. Pac-Man. Ouais. Celle-là. Ouais, Bayou Billy. Ouais, un grand classique. Bayou Billy. Ça, c'est la toune qu'il ouvrait quand tu recevais le cadeau à Noël puis tu le déballais. Ah ouais. En tout cas, Ben c'était bien le fun. Ben écoute Bruno, toujours plaisant. Merci pour ton de m'avoir donné une chance de gagner. Eh ouais. Je suis pas déçu de Pitfall là. Ben ouais, Pitfall, je l'ai pas compté parce que j'étais comme ça me dit quoi, puis t'as dit Jungle Hunt, ça m'a fait flasher. Ah, c'est Pitfall. Mais c'était bien ça les audios, c'est le fun ce petit film là ici qui. Ouais, mais ça me donne le goût. Je pense que les Patreons qui ont payé ça ce film là, il était là d'avance déjà malheureusement. Parce que les Patreons peuvent nous aider avec justement un film plus long peut-être en nous encourageant comme ça à se procurer du matériel. Un FLRCA, un 8. C'est ça. Ah oui. Alright. Fait que c'est la fin. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, joyeux Halloween. Soyez prudents. Mangez plein de bonbons. Faites du diabète, toute l'équipe. Mangez les bonbons que vos enfants mangeront pas. Ouais. Pendant qu'ils dorment. Bon, Mario Odyssey vendredi, tout le monde qui va jouer. Ouais, c'est vrai. Bon, Mario Odyssey. Assassin's Creed. Le prochain show va être gros encore. Exactement. On va pas se reposer avant ce show-là. Là, c'est ça. Justement, je suis en train de loader Assassin's Creed Origins. J'ai très hâte de jouer à ça. Fait que c'est ça. Bref. Ça va être cool. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ainsi que Instagram où on poste une tonne d'affaires. Et puis, je voulais aussi vous dire, Rétro Nouveau Solo, ça va revenir la semaine prochaine. Je vais probablement vous envoyer un petit shout-out pour qu'on puisse savoir de quoi on va parler exactement. Puis je vais sûrement parler entre autres de Shadow of War parce que je suis vraiment obsédé par ce jeu-là. C'est vraiment bon. D'ailleurs, je pensais à ça, là, puis je suis... Sûr, j'ai passé assez de temps pour devenir comme le rôdeur. Ah ouais, t'as aussi un homme d'elfe. Ouais, mais si je pourrais posséder l'homme de quelqu'un, là. On va essayer avec Dom. Attends une autre, là, OK? Un, deux, toucher Dom, là. Ton homme m'appartient! Tu peux pas faire ça.